Bonsoir, ce soir mercredi, c'est la classe sur une des stars de 19h à 21h. Allez, la récré, c'est terminé. Oh non! Salut tout le monde, c'est Dylan. Bienvenue dans la classe. Ça va encore être une émission de ouf ce soir. Je vous mets bien. J'ai des heures de cours gratos à vous filer. Des bons points, du rap de Chou Bruxelles de ce midi à la cantine. Des bons scuds à streamer et un max de vannes. Comment va trop ce gollerie ce soir sur Indestar? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu Amélie? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai ma maman ce soir avec oh, nous. Oh, c'est trop mignon. Maman comment? Maman Nathalie. Maman Nathalie. Bon, bonsoir à maman Nathalie. C'est Natacha. Ah, c'est Natacha. Pourquoi t'as dit Nathalie? Parce que. Tu te rappelles plus de vraiment ta mère? Parce que Teddy l'avait appelée Nathalie. Hein, d'accord. Alors. Je m'en rappelle. Mais oui, Nathalie, bien sûr. Évidemment. Alors que c'est Natacha. Bon, tu rigoles non, parce que Brigitte. T'as passé des bonnes vacances et parce que t'es en 2023? Oui, bah parce que j'ai passé de bonnes vacances. T'as été à la montagne? Oui. Tu m'as pas raconté? Non, je te raconterai un peu plus tard. Non, bah raconte à tout le monde. Mais elle l'a déjà écouté 40 ça fois. Ça fait 5 fois. Elle en peut plus. Nous, on ne le sait pas. Non, mais ça fait 5 fois, j'en ai marre. Mais en fait, le plus extraordinaire que j'ai fait, c'est que j'ai monté une montagne. Ok. Et j'ai pensé à toi parce qu'en fait, c'est 5 km de pente. Mais alors, c'est rien. Pente. Nous, on a monté. Nous, on a escaladé la falaise. Escaladé la falaise. Et eux, c'était pas juste en pente, tu vois. Ouais, tu peux même pas tester. La pente, c'était, comment dire, l'échauffement. Non, mais moi, j'ai commencé à faire 10 mètres et j'ai commencé à chialer un foot par terre, tu vois. Je me suis dit, je vais abandonner. En fait, le montagne. Tu sais que si tu roules, ça roule dans l'autre sens. Ouais. La grande question, c'est est-ce qu'il y avait de la neige à la montagne? Non. Ouais, ça existe pas. Il fait trop chaud. La première fois de ta vie que tu vas à la montagne. Ouais. Et la première fois que ta vie que tu voulais avoir de la neige. Oui. C'est ballot. Hein. Mais c'est pas grave, on a pu faire plein de choses. Il y a pas que la neige. Bon, ce soir, à part Natacha, il y a Anna aussi avec Natacha. Nous. Natacha, bonsoir. Anna, on l'a pas vue depuis 1942. Elle 41. Est là. Oui. 41. Moi, elle est inconnue au bataillon. C'est vrai, t'as enchantée. Jamais vu Anna? Non, jamais. C'est triste. Première. Tu loupes quelque, quelque chose. Mais je sais pas. En tout cas, je crois qu'on est connus à la radio parce qu'on nous a dit ah ça c'est les jumelles, tu vois. On était là. Exactement. Voilà. Voilà. Bien sûr que vous êtes connus. Vous êtes les stars dans le monde entier. Ah, bah, le sait. On est les indispensables de l'émission. Maman, t'as vraiment fait de bons enfants quand même. Je sais. Bon Teddy, comment vas-tu? Ah bah écoute bien. Ça va? Je suis bien là, je suis en face de vous. Alors ah, vous pouvez pas le voir au troisième rang. Mais c'est ça, je suis au fond de la classe. Au fond de la classe. On peut dire ça en comme parlant ça. De classe, ça tombe bien parce que c'est le thème de l'émission ce soir, Armel. Oui. C'est pas faux. On va faire quoi? On va travailler. On va travailler, ouais. Retour au collège, hein, bien ça. Entendu, comme tous les mois. L'a dit tout à l'heure. La récré, c'est terminé. La récré, c'est terminé. On va en avoir peut-être un petit peu des récrés, ce qui est normal. Entre j'espère. Il faut bien digérer, ouais. Collège. C'est quoi le collège? Je sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Bah on a mâché. Le collège intime. Ah. Le collège intime. Okay. Évidemment, il y a un jeu de mots. Collège légitime. Ouais, enfin, ouais, putain, j'avais pas compris. Ah, non, moi non plus. Ouais. Mais putain, il est mauvais. Il est mauvais ce jeu de mots. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer les vannes. Ouais. Et quand on commence à expliquer les vannes, c'est qu'elles sont mauvaises. Ou exactement. Alors qu'on est face à des gens qui ne comprennent t'as les vannes. T'as pas l'impression qu'à chaque fois tu fais un jeu de mots, on comprend pas. Si. Bah, c'est mon grand désespoir. C'est pour ça qu'il se pose la question. Si ces jeux de mots sont si bons que ça ou. Dans ce cas-là, pourquoi tu continues? Juste. Parce que je. Pour ceux qui écoutent. Toi, tu comprennes pas, mais oui, les autres comprennent. Ouais, on a des auditeurs intelligents. Et on est en troisième, il me semble. Et on est en troisième. Ouais, on P. passe le brevet en à la fin de l'année. P. Oui, les 3 c'est P. Ça. Tout à fait. Et pourquoi pas? Beaucoup de cours aujourd'hui, des notes et forcément des points à gratter, puisqu'à la fin il y a le conseil de classe. Et à l'issue de ce conseil de classe, il y a un diplôme à gagner. Diplôme du meilleur élève ou de la meilleure élève de la session. Ouais. Et il y a aussi quelques petites misères pour celui qui termine bon dernier. Hein. Là, forcément, on en parlait en antenne, mais c'est vrai que c'est l'éducation façon années 60. On est resté un petit peu dans le dur, quoi. Alors, je vous conseille pour les invités, pour Anna et pour Nathalie. Ce sera Nathalie. Non, c'est Nathalie. Je vous conseille vraiment de vous donner le maximum pour pas être le dernier. Alors, en sachant parce que vous sinon, aurez ça un avantage. Vous aurez un avantage parce que à un moment donné, il y a des professeurs. Les professeurs, c'est peut-être l'un d'entre nous. Donc les élèves qui ne sont pas professeurs, enfin, vous avez compris le délire, ont des points supplémentaires forcément puisqu'ils assistent à un cours de plus. Ça dépend. Moi, parce que non, que sur la moyenne, ça change rien vu que c'est une moyenne. Bah oui. Mais bon, je t'apprendrai les maths un jour. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, mais si ça change. Ça change si tu fais un cours. Ça change. Voilà. Si par exemple, je fais un cours très facile. Du coup, je foire dans un cours. Ça te permet de te rattraper. Bah en fait, je je vous donne tous un avantage si je fais un cours très facile. Et moi, du coup, je l'ai pas eu cet avantage. On est d'accord. Voilà. Ouais. Et si vous faites que des cours difficiles, bah, je me retrouve dans la merde. Mais j'avais pas pensé à ton. C'est comme le collège ITIM. Là, pour le coup, j'étais pas. T'inquiète pas, le maths. Ne fais pas de maths. C'est ton domaine, oui, on est d'accord. Partons à la découverte du collège ITIM. Yes. C'est parti. Entrez. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, jeune fripouille. Asseyez-vous prestement, je vous prie. Bon, moi, je m'assois. Hein. Vous avez une chaise, là, au bout de la classe. Oh, il y a un fauteuil. Je prends. Non, le fauteuil, c'est réservé au professeur. Oh, mince. Vous assirez par terre, monsieur. Quoi, vous me connaissez déjà? Ah bah, j'ai l'impression qu'une nouvelle année ne change pas forcément les recrues, même si j'aperçois quand même des petits nouveaux dans la salle. Bienvenue au collège ITIM, en tous les cas. Le collège réputé... autant pour sa lenteur administrative que pour avoir gagné le concours départemental de saut en hauteur en juin 92. C'est quand même une franche réussite. Autant ouais. vous dire qu'ici, ça ne rigole pas. D'ailleurs, la devise de l'établissement le prouve. Le travail a toujours raison. Ouais, vous pourrez vous mettre ça dans la tête. À Queen, cette chaise. Ouais, c'est chiant. Ouais. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Monsieur Boulard, le référent de cet établissement. Votre gourou, Mademoiselle Adèle Auger. Oui. Oui. Monsieur Roberto Carlos. Oui, bonsoir. Monsieur Alexandri. Salé. Alors, on ne dit pas salut, Monsieur Alexandri, on dit bonsoir. Bonsoir. Il fait peur quand même. Ouais. Mademoiselle Rachel Lavoisine. Bonsoir, bonjour, c'est moi. Ouais. Madame Anaconda. Bonsoir. Oui. Madame Mélanie Léfé. Bonsoir. Ok. Tu vois, les love modèles. Alors, vous êtes en année charnière. Hein, on vous a oublié, monsieur Roberto Carlos? Non, je ne crois pas. Ah non, je regardais mon téléphone. D'accord, très bien. Bah, c'est pas une chose à faire pendant que vous êtes dans le bureau du professeur, il me semble, du proviseur. Non, mais je l'éteignais. Hein. Oui, bah, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes en année de 3e, donc c'est une année charnière. Vous la vivrez au sein des 3e P, qui sont tous morts lors de la classe de ski organisée pendant les vacances de décembre, donc ça tombe bien, il y a de la place. Vous suivrez les cours de théâtre avec Madame Sénic, oui. Mégane Sénic, c'est ça. Le français avec Monsieur Motus, professeur réputé sévère, donc bouche cousue, comme on dit. Hein. Vous aurez santé sociale avec Madame Veil, Simone. Exactement. De son prénom, je crois. EPS avec Madame Tatami. Oui, c'est ça. Vous aurez Monsieur Dédé à coudre en professeur de couture. Ouais. Et physique chimie avec Madame Newton. Exactement. Comme on dit, une pomme chaque jour chasse le médecin. Vous pouvez disposer, messieurs, dames. On s'en recroisera, bien entendu, au conseil de classe, si je n'ai pas, évidemment, affaire à vous avant. Mais non, monsieur, on est sage. Du coup, c'est bon, vous avez... Calme-toi. Elle est tout taquée. Elle se place des petits sons comme ça, là. Bah oui, mais je suis désolée, j'entends la sonnerie. Pour moi, c'est bon, c'est fini. T'as pas à me mettre des trucs comme ça. Ah bah t'as pas à m'embêter avec des sons. Tu fais pas ça, là. Bon, on va aller s'embrouiller. On va vous laisser la petite musique. Hein. On va écouter Romain Helvétius. Dis-moi où ça va. Bon, ça va bien. À côté. Bah, je crois que ça va tous bien. Ça va tous bien. On est bien, là, ce soir, sur Indestar. Et puis, cours de petit théâtre. Cours de théâtre. Ouais, vous avez déjà fait du théâtre? Non. Oui. Théâtre d'impro. Tu te souviens? Ah non, attends. Si, au collège. Ça remonte à loin, j'ai l'impression. Mais oui, c'était théâtre, on faisait de la chorale. Quoi? Du théâtre en même temps. Mais c'est pas du théâtre, la chorale. Mais non, c'est une comédie musicale. En fait, c'était ma prof d'allemand de. Quoi? Plus en allemand. Mais j'ai pas fait allemand. Ah, mais ouais, mais t'as fait chorale. C'était elle qui faisait prof de chorale et de. Mais j'ai pas fait chorale. Elle faisait chorale et vous chantiez du Rammstein. Je suis dans ce charisme. Il y en a une qui chantait Rammstein et l'autre Carly Rae Jepsen. On en parlera en off. Comme Ouais, le meilleur. Rien, c'est un bout de la guine des stars. Voilà. Ah, écoutez, je vous conseille. Bien sûr. Bon, c'est Romain Helvétius maintenant sur Indestar. Indestar. Là où tout commence. There's a 2-for-1 special on candles at the 5 and Dime. We can drown our troubles in the bubbles of some Boone's Farm wine. Johnny's the only cash we'll need. A little more light in a summertime breeze. We'll make out like the birds and the bees. Oh, that sounds like money to me. We're broke, we're busted. we'll meet us outside and then you'll get a back rub in the hot tub, maybe even make a scene. Oh, we're doing it right on a Saturday night, yeah, living the American dream. We're broke, we're busted, ain't got two dimes for loving. When the car's on rocks and the power's off, don't matter when we're kissing in a hugging. Oh, the radio's free, so come on dance with me. Who cares if we're living on a budget? Good loving costs nothing. Good loving, it don't cost nothing. Dans le bahut, ils ont mis un panneau où c'est marqué « Attention, ralentir, école ». Ils ont quand même pas cru qu'on allait venir en courant. La classe, c'est un max de délire sur Indestar jusqu'à 21h. Remember the days of the old schoolyard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old... C'est quoi cette musique? T'es sûr que c'est une Miolo? C'est bien chanté, hein? Ouais, non, c'est une musique d'école. C'est une musique qui nous fait penser qu'on va au collège, là. Ah bon? Ah bon? Remember the school... Ouais, alors au collège dans les années 80, hein, parce que... Écoute les paroles et fais un peu d'apprentissage de l'anglais, tu verras, ça parle totalement d'école. Bon, par contre, c'était pas Romain Helvétius, oui, qu'on vient d'écouter, c'était Jess Mascalus. C'est ça ton petit geste et tout. Tu sais, la désannonce. Non, je vais expliquer les choses parce qu'il y a une petite erreur de play. Je dis j'ai moins dit un point. À Mel, bon, bah, okay. On s'est planté dans le titre. Ok, tu désannonces. Analyse qui fait à côté, ouais, des annonces. J'ai pas entendu. Et bam, tu balances le jingle. Comment veux-tu qu'elle désannonce la musique si tu allumes pas son micro? Moi, je fais mon boulot, je lance le jingle, je lance ton machin là, ok. T'es trop réactive. J'ai pas entendu le jeu des. Ouais, non, ouais, on est trop okay. Taqués ce genre, soir. Genre, j'ai pas ça. Entendu quoi. Non, pour de vrai, je l'ai pas entendu. Ah, ça fait un mois qu'on s'est pas eu à l'antenne et un mois qu'on s'est pas engueulé. Bah, fallait que ça tombe. Bon, bah, bienvenue dans cette bonne ambiance de la classe ce soir sur Indestar. Nous sommes nombreux ce soir. On est nombreux ce soir puisque Natacha et Anna sont là. Et on a des élèves supplémentaires aussi dans la classe. C'est tout ce qu'il voulait dire. Il y a eu un blanc. Non mais c'est vrai, bah, de toute façon on a toujours une classe à peu près renouvelée finalement. Oui, comme bah d'hab. Oui. On a encore les décos de Noël d'ailleurs dans le studio, vous pouvez pas voir. Peut-être... Parce que... On va peut-être pouvoir les enlever. Oui, c'est là, vrai, non faut qu'on les enlève. Non, on les laisse pour les Peak Avengers demain. Chut. Parce que eux auront des caméras. Nous on n'a pas de caméra parce que c'est marqué dans l'éducation nationale, on n'a pas le droit d'avoir des caméras au sein du collège. On n'a pas signé pour les droits d'auteur. Mais c'est ça. Bah, le droit à l'image quand même. Ouais, sinon une des stars paierait très très cher pour me voir. C'est clair. Ah bah ça c'est moins 5 euros. Pas la tête. Bah attends quand même. Je lance des fleurs. I am the king. Bref, on va aller assister à notre premier cours de la journée, cours de théâtre. C'est ça. Avec Madame Sénic, Megan Sénic. C'est ça. Lol. Petite pub pour Renaud qui nous écoute. Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Bonsoir, madame. Vous êtes très belle, dame. Ah, ça y est. C'est la nouvelle année, peut-être. On a putain, ça y est, ça commence. Non, oui, mais... madame, je suis désolée, mais Alex, il fait toujours on ça avec toutes les dames. Ok. Dépêchez-vous. Bonne année, madame. Merci à vous aussi. Bonne ah oui, fête, c'est vrai, ouais, enfin, bonne truc. Vous bonne pouvez année, me tutoyer, madame hein. Non, pas du tout. Ah bon. c'est bon, tout le monde est installé? Oui. Oui, madame. On est un peu intime. Alors là, vous êtes en cours de... Théâtre. Un point pour vous, monsieur Robert. Quoi? Petit point bonus comme ça, moi je donne. Pour commencer, est-ce que ça vous dit un petit jeu de rôle? Oui. Et bah pas du tout. J'ai un point. On va faire un petit vrai ou faux pour vous mettre un peu dans l'ambiance. D'accord. Et après, petit jeu de rôle avec deux personnes à chaque fois. Ok, madame. Ça vous va? Oui. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ouais. Mon père, il a fait du théâtre quand il était gosse. Oui, et... C'est bien. Il a fait du... Bah, c'est tout. Ok, merci. Alex, ta vie est pas si intéressante que ça. Chacun une ardoise. Chacun une ardoise. Ah, j'ai pas l'ardoise. Ah oui, j'ai pas la... Ah oui. Allez, on se dépêche là, et oh, les cours déjà sont déjà assez courts. Hein bah, vous bon jeu de mots, madame. Court, madame. Ouais. Excellent jeu de mots, madame. Un point de plus. Merci. Non, mais non. Non. Mais s'il faut vous lancer. Moi, s'il faut vous lancer des fleurs, ok. Hein. C'est pas compliqué. Je vous pose une question. Vous me dites vrai ou faux sur l'ardoise. C'est vrai. Si vous gagnez, vous gagnez un point. D'accord, madame. Si vous perdez, je vous en enlève 3. Bon. Bah, et moi, je préfère pas répondre à la question. Neutre. Attention, première question. Une pièce classique doit comporter 5 actes. Vrai ou faux? J'ai pas demandé un camion. Hein. Vrai ou faux? Attention, montrez-moi. Pas mon jus d'orange. Moi, j'ai marqué vrai, madame. J'ai du vrai, faux. Bah, voyons, Rachel. Eh ben, vous avez moins 3 points, Rachel. Déjà, j'en aurais pas beaucoup, madame. Moi, j'ai bien un sûr, point. je déconne, on n'enlève pas 3 points à chaque fois. Ah bon? Non, bah non, sinon... C'était bien parti pourtant. Sinon, le proviseur va me tuer avec les moyennes quoi que je vais vous donner. Quoi. Attention, deuxième question. Si une réplique est longue, cela s'appelle une tirade. Vrai ou faux? Marquez juste V ou F. Bah ouais, mais moi j'hésite. Il y en a qui font des rédactions, madame. J'ai marqué vrai, madame. Alors, ah, j'ai un peu de tout là, j'ai du vrai, faux, un peu de tout. Hein. Ah. Eh ben, Alex, vous avez raison. Yes. Roberto aussi, et Rachel aussi. Mince. Bah dis donc, Anna, va falloir... Hein. Faut retrouver ses classiques. Hein. Attention, troisième. C'est la fausse Anne. Alors, une réplique s'adresse au personnage, comme vous le savez, mais aussi au spectateur. Et on appelle ça un double émotion. Vrai ou faux? What the fuck, madame? C'est quoi vos questions? Ah bah, je vous apprends un peu l'art théâtral. Hein, J'aurais dit la vie, moi. Faux. Faut que je mette des questions plus difficiles la prochaine fois. Il y a quelqu'un bon par webcam sur le Twitch, il dit pourquoi c'est noir, je vous vois pas. Et ben en fait, c'est parce que c'est noir, parce qu'on n'a pas les droits d'auteur pour mettre l'image, parce que c'est dans un collège et en fait, on veut pas filmer les élèves. Par contre, si tu veux, tu peux nous appeler, petit inconnu. C'est Cornelius, il nous écoute. Cornelius. Bonsoir, Cornelius. Bonsoir, Cornelius. Bonsoir. Il est dans le fond de la classe, il nous voit pas, c'est pour ça, il est tout noir. Du coup, c'est bon parmi les points? J'ai mis faux. Bah, c'est bon. Ouais. Voilà. Je suis trop amasse. Et ça s'appelle comment? Attention, point gratuit pour ceux à qui connaît. Mais de quoi? Bah, à la place d'une double émotion, comment que ça s'appelle si c'est faux? Un double monologue? Non. Une double tirade? Non. Briser le quatrième mur? Ça s'appelle une double énonciation. Bien sûr. Bah, j'y étais presque. Ouais, moi aussi. Il y avait double dedans. Bah oui, moi j'étais un demi-point, madame. Pas du tout. Le théâtre naît dans l'Antiquité. Vrai ou faux? Ça va, c'est tout bon? Ça dépend ce que vous appelez antiquité, madame. À la préhistoire, bah, ils n'avaient pas de théâtre. C'était il y a longtemps. Ouais. Comme la mère d'Alex. Bah, j'ai du vrai. Et du vrai. Bah, vous avez tous vrai. Ouais. Franchement. Mais est-ce qu'on a tous vrai, mais est-ce qu'on a tous bon? Vous avez tous bon, ouais, vu bon. Que c'est vrai. Ouais, cool. Et bah, c'est bon. Ça y est, Alex, vous me suivez un peu là? Ah ouais, mais je suis au taquet, madame. Ouais, j'ai tout répondu à toutes les questions et j'ai tout juste. Ah bon? Oui. Ah, bah, vous êtes un bon élève. Oui, je suis un as. Alors, j'ai un point de plus que toi. Enfin bon. La pièce de théâtre la plus jouée au monde est une pièce qui s'appelle La souricière d'Agatha Christie. Putain, je vais y arriver. Vrai, un gros mot, madame. C'est pas grave, j'ai le droit, c'est moi la professeure. Je pense pas, je pense c'est faux. Moi je pense que c'est Hamlet, madame. C'est Molière. Omelette. Quoi? Eh ben c'est vrai. Oh, merde. Ah non. Le plus joué, hein, pas le plus connu. Hein, c'est le plus joué. J'aurais dit Molière. Eh bah, ben pas du tout. Tu peux redire le... Jean-Baptiste Poquelin, il s'appelle de son prénom d'ailleurs, hein, Molière. Ça vaut pas un point, ça. Ça hein. Clairement, non. C'est un peu mieux que théâtre. On arrête de vouloir gratter partout, là. Parce qu'on peut... Faites-le gratter les murs. Alors, attention. Est-ce que vous avez déjà été voir un théâtre un jour ou pas? Oui, madame. Oui, madame, mais il y avait rien dedans. C'était un théâtre vide. Moi, j'ai vu un concert de Jul dedans. Ah, bon, bah, on n'est pas trop sur le même théâtre, hein. Ouais, on fait des lives où on nous voit des fois, ouais. Tout à l'heure. Je parle en texto avec Cornelius. Tu vas enlever un point, toi. Non, mais c'est parce que j'ai eu un nouveau portable à Noël. Oui, c'est bien, je suis contente pour toi. La place de panier, vous connaissez ou pas? Non. C'est les sièges situés au premier balcon, au-dessus de l'orchestre. C'est vrai ou c'est faux? Oh, c'est pas un panier, ça. Si on lance un spectateur dedans, ça fait un panier à 3 points? C'est ça. Parfait. Ça fait un comment? Un dunk? Vrai, un, faux. Un dunk? Un dunk? Vrai. Ouais. Et ben, c'est faux. C'est faux. On appelle ça la place du corbeil. De corbeil. Pardon. C'est pareil, une panier. Mais du coup, madame, y'a qui est bon? Moi j'ai eu bon. On avait Alex et Rachel. Brigitte aussi. Parce qu'après, vous êtes tous un peu près d'une. Oui. Oui, Brigitte. Il y avait Brigitte. Bon, bah d'accord. Moi, je croyais qu'elle s'appelait Mélanie. Mais c'est une nouvelle. Ah oui, bah oui, il y a droit d'avoir des Brigitte. Et on elle va. A redoublé un peu. Trois fois. Même bah, oui, plus. Oui. 30 fois. Au moins. Ils sont un peu chiants, mais on s'y habitue. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour de l'impro? Ah ouais. J'espère que vous êtes bons. J'ai déjà fait du théâtre d'impro, madame. Trop. Ok. Là, vous. Je mangeais des fruits. Là, ce sera noté sur 2 points. Donc, si vous faites bien les choses, vous pouvez gagner 2 points. D'accord. On va commencer par une première équipe de 2 personnes. Ok. Faut me regarder Roberto bizarre, madame. Et Rachel, tiens. C'est étonnant. Mise en situation. Mise en situation. Vous êtes 2 amoureux qui sont obligés de se séparer à cause de ses parents. Tiens, mais je suis choquée, dis donc. Attention, je veux de l'émotion de Des parents de qui? Parce Attends. Que. Des 2 parents. Ah, des 2. Voilà. Ouais. En gros, nos parents, ils veulent pas qu'on soit ensemble et donc faut faire une scène là-dessus, quoi. C'est ça. Parce que les parents de Roberto, ils sont pauvres. Je veux de l'émotion. C'est vrai. De l'émotion, un truc qui dégage. Oui, j'ai compris. Rachel, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Mais quoi, Roberto? Franchement, mes parents, ils sont pas d'accord. Mais les miens non plus. Ah, c'est vrai? Ah, c'est pas une bonne nouvelle, mais ils sont d'accord entre eux, c'est bien. Mais qu'allons-nous devenir? Mais je t'aime. Je sais, moi aussi je t'aimais. Je voulais faire comme Roméo et Juliette et chanter sous ta fenêtre, mais t'as pas de balcon. Si, on a un. Oh, c'est vrai? Oui, j'en ai un. Faisons ça, jouons ensemble. Oui, mais on peut pas être ensemble quand même. Du coup, appelle tes parents qui viennent au balcon, peut-être que s'ils m'entendent chanter. Ah, ça passe. Mais oublie pas ta guitare, ça donne un petit plus. Bien sûr, je vais chercher ma guitare. Non, allez. Elle est loin, sa guitare. Ouais, c'est ça. On dirait Hélène et les garçons. Ouais, non, mais oui, c'est très mal joué, hein. Mais les petits voisins, mais les théâtres, en soi, sont mal joués, hein. Ah, c'est bon, fais venir tes parents. Maman, papa. Ah, bonjour, monsieur. Ça dure bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ouais, mais je vous connais. Je veux pas vous voir, vous vous êtes dégagé. Merde, il m'a reconnu. Maman. Monsieur, j'ai une chanson pour vous. Essaye de convaincre ma mère pour que notre amour puisse être au grand jour. Mon cours est pas censé durer non plus 20 minutes. Alors, à bout d'un moment, vous faites votre musique rapidement et après ça décidera du point. Allez-y, grattez votre guitare. Oui. Je ne peux pas. Il sait pas jouer, ce petit con. Allez, dégagez de là. Oui. Non, mais attendez, j'ai une autre solution. C'est bon, Rachel. Allez, on peut se casser. On se calme. Moi, je mettrai que 1 point sur 2. Parce qu'il manquait ce petit bout d'émotion. Et normalement, vous devez être triste. C'était un peu surjoué quand même. Hein. Ouais, c'était. Mais pour ça, on garde un point au théâtre. Parce qu'on a bien rigolé. Non, les gens au théâtre sont surjoués. Hein. Pas tant que ça. Hein. Bah, la plupart, attends, quand même. Pas tant que ça. Tu sens que c'est quand même du faux jouer. Hein. Pas tant que ça. Ok. Et là, on est sur une équipe de 3 personnes. Ah, bah oui. C'est de la triche. Nous avons Brigitte, Anna et le petit Alex. Et du coup, mise en situation, vous êtes dehors, devant des vitrines. Bien sûr, Alex, tu joues une fille, désolée. Ça me pose pas ce problème. Et vous êtes tous les 3 en train de vouloir faire du shopping pour le bal de fin d'année. On est dehors et on fait du shopping pour c'est le bal ça. De fin donc d'année. Un peu enthousiasme, un peu excité, le fait de la dernière, c'est la dernière année, machin. Ah, ça tombe bien parce que le shopping, c'est mon truc, moi. Hein. Attention, une fille, hein. Je veux une fille. Ouais. Ok, c'est parti. C'est Alex. Alexa. Alexandra. Alexa. Alexa. C'est comme. Ouais, c'est Amazon. Ah, bah les filles, regardez la trop belle robe qui est dans la vitrine. Oh, wow. On n'entrerait pas. Oh, tu devrais l'essayer, tu vas être superbe avec. Ouais, bah je vais faire ça. Parce que les filles, elles parlent comme ça. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce qu'on peut essayer la trop belle robe qui est dans votre vitrine, s'il vous plaît? Allez-y. Ok. Moi, je la trouve pas belle. Quoi, tu la trouves? Mais toi, t'es trop nulle, hein, de toute façon. T'as pas de goût. T'as hein. pas de goût. Bah, essaye. Toi, t'es saut 2021. Je suis dans la cabine d'essayage. Allez-y. Oh, regardez pas, je suis en string. Voyons. C'est bon, madame, vous vous en sortez? Je peux ouvrir? Non, pas encore. Parce que, non. Toujours pas. C'est long. Ouais, c'est long. Voilà. Ah, on a sous-estimé votre poids. Il faudrait au moins 3 tailles en plus, là. Ça, ah, effectivement. C'est dommage parce qu'elle m'allait super bien, mais vous pouvez peut-être faire un rajout. ça va être compliqué là. Ouais, bon, au pire, vous m'en donnez une avec une plus grande taille. Ou sinon, je vous colle deux robes ensemble. Ah, ça peut être une bonne chose. Ça peut le faire. Ça ferait sens de. Une sorte de colicola quoi. Et vous, les filles, vous en pensez quoi du coup? Bon, elle est pas belle. Hein. Non, et puis elle est trop décolletée. Hein. Ouais, mais ça met en valeur ma poitrine. Toi, tu disais parce que t'en as pas, de toute façon. Ah bon, ça coûte combien de dames? Ça coûte 200 euros. 200 euros? Ça fait 200 mois d'argent de poche, ça. Les filles, on court. Allez, on va. Est-ce que c'était pas mal? Franchement, bof. En vrai, je parle objectivement. Et je n'ai entendu qu'une seule parole. Ok. Oui. En même temps, c'est compliqué mais... quand on a un personnage comme Alex aussi dans. C'est vrai qu'il prend la place. Hein. Voilà. Ouais, Il a pris toute la scène. Surtout dans la robe. Hein. Oui, ouais, en plus. Ouais. J'aurais donné qu'un point aussi. Et ben moi, je leur donne 2 points. Moi, j'aurais donné 0 sur. Quoi? Non, mais c'est là, quoi, mec, vous êtes même pas objectif, madame. Ils ont été plus dans l'émotion que vous. Vous il y avait une émotion, il a acheté une robe. Bah, il essayait de convaincre mes parents. Il y a eu de l'enthousiasme là-bas. J'ai voulu chanter. Je m'en fiche, on ne répond pas à la question. On était quand même vachement plus doués. Je m'en fiche. Ah, allez, cassez-vous. Cassez-vous. J'en peux plus. On s'en va, madame. Oh, on se voit bientôt, madame. Oui, pour le conseil de classe. Ah non, je pensais ce soir au resto. Ah non, pas du tout. Ah non, je pensais. Non, on garde notre distance. D'accord. Ah, au revoir, madame. Au revoir. Hé, Roberto. Ouais. Mais regarde ce que j'ai préparé pour le cours de français. Du coca, des mentos. Bon, ça se mange pas. Tu veux faire exploser quoi? Attends, tu veux faire exploser ça au milieu du cours? Bah on va ouais. Se faire rire. Mais non, t'inquiète. En fait, je vais la mettre en passant, tu sais, dans le sac de Rachel. Et elle se met toujours devant. Et puis je tire la ficelle que j'ai reliée au bouchon. Genre, tu sais, je la tire d'un coup sec. Ouais, d'un coup sec. Et ça va retirer le bouchon et ça va exploser. Et le prof, ça va l'asperger et tout. Et on dirait que c'est Rachel. Ouais, mais faut remuer la bouteille pour qu'elle explose bien, quoi. Ouais, bah alors attends, je vais faire Shake it love. Tu connais quoi? Mais oui, c'est du Taylor Swift. Ouais. Stay out too late, got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. That's what people say. That's what people say. I just keep on cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play. The haters gonna hate. I'm just gonna shake. I shake it up. And heartbreaker's gonna break. Faker's gonna fake. I'm just gonna shake. Shake it off. I never miss a beat. I'm lightning on my feet. And that's what they don't see. That's what they don't see. I'm dancing on my own. I make the moves up as I go. And that's what they don't know. That's what they don't know. I just keep on cruising. Can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play. The haters gonna hate. I'm just gonna shake. I shake it up. And heartbreaker's gonna break. The faker's gonna fake. I'm just gonna shake. I shake it up. Cause the player's gonna play. The hater's gonna hate. I'm just gonna shake. I shake it up. And heartbreaker's gonna break. And faker's gonna fake. I'm just gonna shake. I shake it up. shake it off, I shake it off, eh, eh, I shake it off, I shake it off, eh, eh, I shake it off, I shake it off, eh, eh, I shake it off, I shake it off, I shake it off, I shake it off, eh, eh, I shake it off, I shake it off, eh, eh, I shake it off, I shake it off, hey, hey, I shake it off, I shake it off. Si tu suis le cours sans sortir de ton lit, t'es pas un élève. T'es une rivière, mec. Dylan en direct de la classe sur Indestar. Eh oui, la classe sur Indestar, c'est ce soir jusqu'à 21h à peu près. Profitez-en, c'est qu'une fois par mois. Bah oui, c'est ça. Si vous avez loupé le début, on fait quoi ? Eh ben, on va voir les podcasts. Yes, il y a les podcasts qui sont dispo, évidemment, sur indestar.fr, à toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitch, mais ça n'a aucun intérêt car il n'y a pas d'image. Mais donc continuez d'écouter sur indestar.fr. Nous appelez aussi. Oh bah, appelez-nous, ouais. Participez à un petit cours. Ouais, cela dit, si vous appelez, vous allez arriver au secrétariat. Et la dame de du secrétariat, elle est pas gentille. Moi, je veux bien dire le numéro, au pire. Vas-y. 09 70 407 306. Ouais, alors que tu vois, la dame du secrétariat, elle aurait dit 09 70 407 306. Bah, on n'a pas la même joie de vivre, tu vois. Non. Bah, la pauvre, c'est ça toi fait... qui vas décrocher. C'est toi ça qui vas raccrocher. Ça fait 65 ans qu'elle est au standard du collège IT. Et le collège, il a que 20 ans alors. Elle était là avant, elle était là sur le chantier. Ouais. Elle a fondé le collège. Elle a fondé le collège. Bon, collège, on est en 3ème cette semaine. 3ème P. Les 3ème P. Voilà. Dans le collège IT. Exactement. On a suivi le cours de théâtre. C'était sympa. Théâtral. C'était de la triche. C'était un peu le but. Et là, qu'est-ce qui va avec le théâtre, qui va avec la littérature, le français. C'est en salle 412. Attends, les escaliers, il y a encore un étage. Ah non, bah, vite courez, j'ai toqué sur une autre salle. Merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Non, c'est pas nous. C'est quoi, c'est la salle 406, je crois. Ouais, c'est 406, là, c'est là. Ouais. Allez, vas-y. Bonjour monsieur, madame, monsieur. Entrez, monsieur. Entrez, je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis monsieur Motus, votre professeur de français. Asseyez-vous, jeune élève, et ne commencez pas avec les jeux de mots désobligeants, s'il vous plaît. Je viens de dire quoi, mademoiselle? C'est une voiture? Non, c'est pas une voiture aussi, la Motus? Non, c'est la Lotus! Ah, merde. Ou la Modus! Bref, nous allons aujourd'hui aborder les figures de style. Rien à voir avec ce que vous faites au skatepark, monsieur Roberto. Ce ne sont que des âneries, vous, ce que vous faites au skatepark, alors que là, on parle de littérature. Vous n'allez pas faire un backflip, monsieur? C'est la beauté de la langue de Molière, c'est la France! Il sait pas faire de skate non plus. Bref, on va voir quelques-unes de ces figures de style aujourd'hui, et vous allez ensuite faire un petit exercice d'application pour vérifier que vos tympans sont bien hermétiques en sortie. Monsieur, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Mais ça c'est quoi une figure de style? Une figure de style, je vais vous expliquer, je vais vous en citer quelques-unes. Ça permet de faire des jolies phrases, pour résumer. Alors, je commence avec la comparaison. Alors, un exemple, on va donner des exemples. Mademoiselle la voisine. Moi. Mademoiselle la voisine. Je suis belle comme une fleur. Non. Vous êtes comme un radiateur. Merci. Vous chauffez les élèves de la classe. Vous avez compris. Alors, ça, c'est la comparaison. Merci. Il y a la métaphore. Alors, la métaphore, ça se rapproche de la comparaison, mais là, on n'utilise plus un comme ou un truc du genre. C'est plus poétique, quoi. C'est plus subtil. C'est la France. Hein ? Ok ? Oui. Oui, parce que c'est la France, parce que c'est subtil. Ouais, c'est comme ça. Okay. Maintenant, l'allégorie. Alors non, Anna, c'est pas un mec qu'il faut encourager, genre allégorie. Non, l'allégorie, c'est une façon imagée j'ai de parler compris de quelque chose. Pour une fois, j'ai compris, moi. Par exemple, il a vu la faucheuse de près. La faucheuse, c'est la mort. C'est vrai que ce matin, avec Malambo, j'ai failli écraser l'un de vous. Il a vu la faucheuse de près. Vous comprenez ? Ça c'est l'allégorie. Une allégorie. Ça, tout à fait. Nous allons maintenant parler, retenez bien ce que je vous dis parce qu'il y a l'exercice d'application. Mais c'est quoi après une allégorie du coup? J'ai pas compris moi non plus. Elle a parlé en même temps. C'est une façon imagée de parler de quelque chose. J'ai dit, il a vu la faucheuse. La faucheuse en réalité c'est la mort. Mais il peut pas dire juste la mort? Non, parce que c'est plus joli d'employer la faucheuse. Mais c'est plus compliqué. Et on n'a pas dit que c'était simple au français, retourner en Algérie. C'est pas plus simple, remarquez. En Angleterre, l'anglais c'est plus simple. La personnification. La personnification, c'est aussi une image, mais on donne un côté humain à quelque chose qui n'en est pas un. On personnifie, quoi. Alors ça marche pas vraiment avec vous, Adèle, parce que vous, on sait pas trop si vous êtes une créature extraterrestre ou si vous êtes juste une humaine moche. C'est compliqué. Mais si on prend quelqu'un normal, t'as clashé. Ça marchera mieux. Moi aussi, j'aime bien Molière. Continue avec l'assonance. Alors, l'assonance, ça devrait pas être trop dur pour vous, Roberto. Oui, c'est l'insolence. Non. Non, pas du tout. Ah, on me le dit souvent. On répète juste la même moyenne dans tous les mots. Bon, voilà, ça va pour vous, c'est pas trop compliqué. À ne pas confondre avec l'allitération, où là, ce sont les consonnes que l'on répète. Exemple ? J'ai pas compris. Bah, consonne, on répète une voyelle, l'alphabétisation avec Alibaba, Ala, Cantine. Je sais pas. D'accord, d'accord. Bon. La première lettre à chaque fois, c'est ça ? La voyelle, tout simplement. Oh, oui, oui, pardon. Le chiasme. Je vous ai écrit cette définition ce matin aux toilettes, mais rien à voir. Là, on va inverser un groupe de mots. Donc, par exemple, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ah, et Maître Yoda, il fait ça du coup ? Certainement, on la ressortira à la cantine celle-là. Maintenant la parachaise. C'est une chaise paralysée. Vous avez compris, on répète cette fois-ci nos syllabes. Lab. Exactement, mademoiselle, ça vaut un point. Dans quel contexte on utilise ce genre de truc? Quoi? Mon point. Mais c'était un point supplémentaire comme ça. Et dans quel contexte on utilise ce genre de truc? Eh ben vous allez le voir. Dans une chanson. Quand il y a des échos. Quand à la montagne, ça s'emploie très bien, effectivement. L'oxymore. Alors là, on va mettre l'un à côté de l'autre. C'est le contraire. Des choses opposées, tout simplement. Un point. Par exemple, un ange et un Roberto. Contradictoire. Voilà. Oh. Un ange démoniaque. Oui, vraiment. Ah. Ou sinon, il y a cette phrase, le superflu, chose très nécessaire. Ça se vérifie d'ailleurs avec votre smartphone. Ah, comme Anaïs et une vierge. C'est comparé, c'est l'opposé. C'est un oxymore. Mais non, elle est balance, qu'est-ce que tu racontes? Bah non, c'est pas un oxymore. Ça serait plutôt une chose vérifiée. Bref. Je suis pas sûr. Maintenant, l'hyperbole. À l'époque, j'en avais une pour capter TPS. Une hyperbole? Oui, je connais, monsieur. Une hyperbole, c'est une exagération. Ah non, c'est une super balle dans Super Smash. Qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes encore dans l'univers des jeux vidéo, mon pauvre Roberto. Vous n'êtes pas dans la réalité, vous ne travaillerez jamais, vous ne gagnerez jamais d'argent, vous allez mourir jeune. Bref. Je disais donc peut-être que ça, c'en était une hyperbole, une exagération. Ah oui, un petit peu. Ouais. Ouais. On va dire qu'une hyperbole, en fait, finalement, c'est un Marseillais. Et enfin, un dernier pour la route, le pléonasme. Oh. Ah, alors ça, c'est ce que vous me faites tout le temps par incompétence, finalement, vous répétez ce que vous venez de dire. Du genre, je monte en haut. Je vais vous dire, si vous montez en bas, c'est que vous dégringolez l'escalier. Ça, c'est moi qui dis toujours ça. C'est ce que j'ai dit, l'incompétence, dans tout ça splendeur. On va passer maintenant aux exercices. Monsieur, si je vous donne une autre figure de style, est-ce que j'ai droit à un point? Allez-y, ça dépendra de comment je l'accepte. Un euphémisme. Un euphémisme. Alors, qu'est-ce que l'euphémisme? C'est pas du tout une figure de style. Bien sûr que si. Non. Mais bien sûr. Google est ton ami. Allez-y, s'il vous plaît, l'euphémisme. Elle l'a googlé. Par exemple, c'est quand on dit quelque chose et tu dis peu, c'est un euphémisme. Genre, Ça, c'est un sarcasme. Non. Je ne connais pas la définition en elle-même. D'accord, bon, ça vaut moins deux. Moins un suffira. Moins un pour mademoiselle. Mais non, mais ça se fait pas, moi je vous. Non, mais j'ai au moins un demi-point. Non, pas du tout, moins un. On va passer aux exercices. C'était bien tenté, cela dit, hein, mais ça vous encourage à ne pas répondre. On passe aux exercices. Alors, comme vous êtes des ados boutonneux, je me suis dit qu'on allait étudier les figures de style avec des punchlines de rappeurs. Comme ça vous parle à tous. Hein. Ah ouais, je connais un peu. Vous allez donc à chaque fois l'écrire sur votre ardoise la figure de style employée. Est-ce que ça vous va? Vous avez compris la consigne? Vous donnez des propositions? Pas du tout. Si, je rigole. Je donne des propositions. Ouais, j'espère. Je me souviens déjà pas la moitié de la définition à chaque fois. Alors, écoutez bien. On me déteste, mais je pèse trop. Il est compresto, je te dis texto. Je m'entête quand on me teste. Gros, je tempeste la testo. Je t'encaisse le chef du resto. De cristaux, cuistaux, je rajoute un zeste de pesto. Ah, c'est de la rime riche. C'est Big Flo et Oli, l'héritage. Oh putain. Est-ce pour vous une hyperbole, un oxymore ou une assonance? Ne pas trop demander les définitions, je peux rien. Une hyperbole, une oxymore ou une assonance, s'il vous plaît, on va voir si vous avez bien retenu la leçon. Je vois l'oxymore, je vois l'oxymore, je vois l'assonance et l'oxymore. Oui. Eh bien, c'était une assonance, évidemment. Bien sûr. Ben oui, alors la petite Brigitte a bon. Et la petite Rachel a bon aussi. Parce qu'il fait zéro, Rachel. Mais non, mais annule. Non, mais annulez, monsieur, mon moins 1. J'ai rien annulé du tout. Alors, des euphémismes, mais voilà comment on me remercie. Les veines souffrances humaines t'emmènent de longues semaines au lit. On veut même s'ouvrir les veines. Necfeu, du titre Nectsu. C'est aussi une rime riche, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Alors, figure de style, le chiasme, le pléonasme ou la parachaise, à votre avis? Non mais c'est trop dur. Il n'y a même plus de définitions. J'ai expliqué les définitions. Ah oui, mais... Wow. Mais on avait trop. Faut s'en rappeler. C'était quoi les trois options? C'était le chiasme, le pléonasme ou la parachaise. C'est quoi d'achat la chiasse? Le chiasme. Ouais. Comment on écrit parachaise? Parachaise. Bah, au pire, tu mets exactement juste PLS. Pas comme vous l'avez écrit, puisque c'est un E accent grave et pas AI. PL. PL comme pléonasme. Pléonasme. On a parachaise également. J'ai écrit parachaise en abrégé. Parachaise, c'était bien une parachaise. On répète la syllabe N. J'ai mon deuxième point. Non, c'est mon premier du coup. C'est votre premier point. Vous gagnez un bon point, mademoiselle Rachel Lavoisine. Merci. J'ai consommé plus d'herbe qu'une putain de tondeuse à gazon. Elle est belle, ça. J'aime bien. Cynique, légitime défonce en 2012. Est-ce que c'est un oxymore, un chiasme ou une métaphore? J'ai consommé plus d'herbe qu'une putain de tondeuse à gazon. Est-ce qu'il n'y a pas deux figures de style monsieur, là-dedans quand même? Anna, elle recopie sur moi. Eh bien, Anna, elle a le droit. Elle a le droit. On a une métaphore, un oxymore, une métaphore, et pour monsieur. Métaphore Roberto, et une hyperbole parce qu'il exagère quand même un peu. C'est... On peut vous accorder un point supplémentaire. Merci, merci. Ok, c'était effectivement la métaphore, bien évidemment. Tout le monde a bon du coup. Non. Non, pas Adèle. Adèle n'a pas bon. Elle a dit un oxymore. Elle a toujours pas compris le principe d'oxymore, elle. La vie. C'est l'oxygène qui est mort. La vie. J'ai un point, hein. La vie. La vie, la vie, la vie. La vie est une imparfaite perfection. Ça, c'est un oxymore. Chut. L'homme pâle, avec le titre Bécane. Vous roulez en 103? Non, bah non, personne. Personne. C'était mon époque. Oui. Une hyperbole, un pléonasme ou un oxymore. La vie est une imparfaite perfection. De toute façon, à force de mettre oxymore, au bout d'un moment, ça va passer. Hein. Oxymore. Si c'est pas ça, ils ont tous écouté ce que j'ai c'était dit. C'était un oxymore, ouais, évidemment. Puisque imparfaite et perfection. C'est le contraire. S'oppose, bien évidemment. Ah, c'est quoi ce. Ah ce... Coca, qui a mis une bouteille? C'est vous? L'ex, pardon. C'est vous, Rachel? Non. C'est vous, Adèle? Non. Qu'est-ce que ça fait dans votre sac? C'est pas moi, c'est Rachel. Ouais, bien non, sûr. Non, c'est pas moi, monsieur, c'est Adèle. Vous serez collé. Non, mais... Vous serez convoqué chez mais le principal. Mais ça, c'est pas, j'ai rien joué, Alex. Allez. Tape dans 5. Mais... Oui, bah vous aussi, vous serez convoqué chez le principal. J'ai juste tapé 5. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, j'aime bien le coca. Vous m'avez fait peur, monsieur. Tellement moche qu'ils font même pleurer la vache qui rit. Digidix avec swag millionnaire. Oh, est-ce que c'est une personnification, un oxymore ou une hyperbole? Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Tellement moche qu'ils font même pleurer la vache qui rit. Personnification, hyperbole, hyperbole. C'était quoi? Mais les ouais, les je suis con, j'aurais dû mettre personnification, hyperbole. Oxymore, bah non, je me demande, en fait, ou hyperbole. Pas... Non, je me demande si c'est pas la paraison, Adèle. Qu'est-ce qu'il a marqué, le Roberto Carlos? On va en écrire deux aussi, parce que c'est une personnification, mais il y a quand même une hyperbole. Hyperbole. Il fait pleurer la vache qui rit. Alors oui, mais ça va pas marcher à chaque fois. C'est effectivement une personnification, à savoir que la vache qui rit n'existe pas, pour ceux qui ne savent pas. Bah si. Non. J'en ai dans mon frigo. Si, mais tu peux pas le faire pleurer. J'ai bon. On continue. J'ai bon. Oui, ah ouais, Adèle, bon c'est bon, baisse ta main. Il y avait que toi qui avais. Continue. Non, il y avait Rachel aussi, je crois, non? Et Brigitte? Non, mais je veux bien un point. Oui, oui, oui. Il n'y a que moi et Brigitte. Brigitte aussi, avait la bonne réponse. Je veux seulement mourir vivante. Sur scène? Ariana Grande avec Break Free. Personnification, chiasme ou assonance? Bah, c'est de la chiasse, c'est impossible. Chut. Écrivez-le. Tu peux avoir la chiasse. Une personnification. Attention à ce que Brigitte elle recopie pas. Hein. Très bien, alors vous avez mis quoi? J'ai chiasse. Chiasse, ça n'existe pas. J'ai moins également... deux points là. Non. J'ai assonance. J'ai rien. Ah, c'est assonance. Et j'ai un son. Assonance, mais oui, c'est assonance. Alors, Brigitte a un point et Adèle, oui. Vous avez également un point. C'était quoi la réponse? Puisque aucun des trois était juste, c'est juste une chanson américaine, donc ça veut rien dire. Voilà. Donc ça vous enlève pas de points, rassurez-vous les autres, mais par contre un point supplémentaire pour Brigitte et pour Adèle. Bah, elles ont répondu à la réponse. Anna, C'est moi. Non, parce que vous avez mis assonant, c'était pas non, du tout une assonant. Non, j'ai pas mis assonant, j'ai mis chiasse là. Oui. Mais elles ont quand même répondu. Non, vous avez mis chiasme alors que mademoiselle Adèle a mis chiasse. J'ai mis insonance. J'ai mis un C, moi. Elle a mis un C comme chiasme. Oui, pourquoi, mais c'était pas un chiasme. Moi j'ai rien répondu. Bah pourquoi on a. Parce que vous avez mis chiasse. Donc j'ai un point. Oui. Mais ça se fait pas. Ah si. J'ai pas compris. Bah non. Parce qu'on peut dire que c'est une chanson américaine, c'est d'une chiasse. Excusez-moi. Oui. Anna, mec. Bon, attention avec ces enfantillages, s'il vous plaît. Il a fait une chiasme. On passe à la suite. Oui, c'est grave de mourir défunt. Virus avec défunt, le titre. Une assonance, un chiasme ou un pléonasme. Du coup, moi, j'ose même plus répondre, là. Oui, c'est grave de mourir défunt. Un pléonasme pour monsieur Roberto Carlos. J'ai un chiasme. J'ai un chiasme. J'ai un pléonasme. Et un pléonasme. Évidemment, c'était un pléonasme. Et vous remarquerez que. Alors, parce que, évidemment, j'explique, hein, mais mourir et défunt, ça veut dire la même chose. Mais celle-ci est particulièrement intéressante, puisque vous aurez également vu le jeu de mots qu'il y avait dedans. Mourir défunt, mourir de faim. Oh, bah non. Non, personne n'a vu. Bon. Pas grave, hein, vous apprendrez plus tard. Et un dernier pour terminer. En attendant, je ne suis qu'un résident de la caverne de Platon. C'est un titre signé Skylla, la sagesse d'un fou. À votre avis, est-ce une allégorie, une personnification ou une hyperbole? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ça m'arrange pas, faut que je tourne la feuille. En attendant, je ne suis qu'un résident de la caverne de Platon. J'avoue, c'est beau comme phrase. Et c'est quoi les réponses? Allégorie, personnification ou hyperbole. Ce sont non pas des réponses, mais des propositions. C'est pas une hyperbole déjà. J'ai personnification, j'ai hyperbole, j'ai allégorie. Et j'ai aussi allégorie. Allégorie, effectivement, c'était une allégorie puisque on image avec la caverne de Platon qui signifie l'ignorance et c'est bien sûr une référence à l'allégorie de la caverne. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette allégorie de la caverne? Ça fait référence à la Terre parce que Platon, Terre. Vous avez rien suivi, vous imaginez. J'ai pas compris votre question. Non, mais on peut. Je vous demande si vous connaissez l'allégorie de la caverne. Non. Ah non, je ne sais même plus ce que c'est une allégorie. Quelqu'un connaît l'allégorie de la caverne? C'est quoi une allégorie déjà? Elle est où Adèle là? Elle est là? Oui, elle est où Rachel? Elle est toujours là? Bah non, elle est pas là. Ah non, elle est plus là. Bah non. Bon, je vous explique quand même avant la fin du cours l'allégorie de la caverne. Ah bien sûr, parce que personne, tout le monde est ignare ici. Imaginez, ça c'est une théorie de Platon, hein. Ce sont des hommes qui sont dans une caverne, d'accord? Ils sont dos à la lumière et ils n'ont toujours vu que le dos à la lumière. Donc ce qu'ils voient à l'extérieur, en fait, ce sont que des ombres. Ils croient voir et imaginer la réalité. En réalité, cette réalité n'est pas fidèle à la réalité. Vous avez compris mon Monsieur, ça a sonné, hein. Faut y aller, c'est la récré. Je vous explique la fin. Ah, bref, merde, ça veut dire... Ça veut dire que c'est pas parce que vous croyez savoir que vous savez. Il faut taffer pour pouvoir ouvrir sa bouche. Ça vous s'applique à vous, monsieur Roberto. Ça s'applique à tous ici. D'ailleurs, le seul légitime à parler ici, c'est moi. Et c'est moi qui vais vous demander d'ailleurs de faire un exposé 30 pages avec 15 points différents pour demain sur comment votre professeur de français changera votre vie dans les 50 ans à venir. Ah, vous pouvez sortir maintenant. Vous parlez très bien, mais parlez tout seul maintenant. Bon, allez, nous, on y va. Hein, c'est fini. Hein. Oh, allez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, il est l'heure, quoi. J'allais me faire défoncer, je crois. Ah bon? Oui, j'ai fait une grosse bêtise. T'as fait quoi? J'ai fait tomber Rachel par la fenêtre. Par la fenêtre. Comment t'as fait? Tu l'as poussé? Entrez, messieurs, dames, entrez. Monsieur Carlos, veuillez fermer la porte et vous asseoir. Ok, bon, bah, je ferme la porte. Je vois votre faciès un peu trop souvent dans mon bureau en ce moment, alors même que votre... Mais monsieur, vous avez pas besoin d'excuses pour dire que vous m'aimez bien. Ouais. Je suis presque votre second fils. Ouais, c'est ça. Ouais. Mademoiselle Auger, Adèle, mademoiselle la voisine Rachel et monsieur Roberto oui. Carlos. Rachel pourra pas venir, monsieur. Elle a besoin de... Bah, si, elle est là. Elle est là, madame. Mal en point, mais elle est là. T'as réussi à monter les escaliers? Si je vous convoque aujourd'hui... Bah oui, je vais descendre plus vite. Si je vous convoque aujourd'hui, c'est que vous puissiez m'expliquer pourquoi, mademoiselle la voisine, s'est retrouvée à salir de son sang la cour de récréation, dont le goudron d'ailleurs a été refait pendant les vacances. J'avoue, c'est beau. Après être passée par la salle 406 du deuxième étage. Celle de votre professeur de français, donc. Apparemment, mademoiselle Auger, vous n'êtes pas étranger aux fées, alors expliquez-moi. Si on a une bonne excuse, ça passe. Expliquez-moi, vous avez intérêt à en avoir une bonne excuse, je vous le dis, moi. Moi, Roberto et la petite qui est tombée, là, Rachel, on était en train de parler et Rachel a eu très chaud. Bah oui, monsieur, parce que vous saviez, il y a eu l'incendie dans la classe de physique-chimie. Il n'y a pas du tout eu d'incendie, je n'ai pas entendu la sonnerie. Mais non, c'est un élève qui a mis le feu juste à son bureau. Du coup, il y a eu de la fumée qui s'est dégagée de tout ça. C'est vrai que ça vaut pas le coup d'un. Bah oui, voilà. Et du coup, on a vu la fumée sortir de sous la porte. Et c'est là que Adèle, elle a vu la fumée, elle l'a dit à Rachel. Et Rachel a paniqué. Elle savait plus quoi faire. Elle était en train de faire une crise de. Comment ça s'appelle ? Une crise de panique, monsieur. Donc là, vous êtes en train de vous dire. J'aimerais bien que vous puissiez parler, mademoiselle Adèle. Vous êtes en train de. Rachel, pardon. Vous êtes en train de dire que vous avez sauté toute seule par la fenêtre. Ah mais Adèle m'a un peu poussée quand même. Mais oui, elle l'a aidée. Adèle, vous avez poussé Rachel là, par la fenêtre du deuxième étage. Est-ce que vous êtes inconsciente ou est-ce que vous êtes débile? Mais moi je pense que c'est un peu des deux, hein. C'était pour l'aider, monsieur, parce que justement elle avait peur de la fumée et Rachel n'arrivait pas à courir. Mais à quel moment on pousse quelqu'un de la fenêtre du deuxième étage? Mais non, mais c'est parce qu'on a eu. Il y a eu un pigeon qui est passé au même moment. Je me suis dit, je vais la faire tomber au passage, le pigeon va la rattraper. Sauf que le pigeon, il est. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Je ne sais même pas comment vous êtes arrivé en troisième. Hein. Mais du coup, je me dis que j'ai de la chance, genre je suis vivante, le pigeon un peu moins. Mais j'en ai rien à faire que vous êtes vivante, vous avez sali la cour de récréation avec votre sang. C'est à cause de. Mais d'ailleurs, tu me dois à l'hôpital parce que j'ai la jambe cassée et en plus j'ai une égratignure. On va pas commencer à faire des comptes d'apothicaire, les choses vont être très claires. Mais... Attendez, monsieur, voyez les choses positivement. On a du pigeon à manger ce midi. Mais oui, mais un seul pour je sais pas combien d'élèves. C'est des économies pour le collège. Bah attends, remontez en haut dès qu'il y a un pigeon, je rebalance Rachel. Vous pensez vraiment c'est qu'on va manger le pigeon qui c'est le pauvre. Mon papa il dit que c'est des boîtes à petits pois. Oui, c'est bien sûr. Alors, les choses vont être claires de mon côté. Mademoiselle Adèle Auger, vous serez exclue 2 mois du collège à compter mérité, du 1er hein. juillet. Mais vous servirez également de mascotte habillée en cloche géante lors de notre carnaval de printemps et vous devrez, dans ce cadre, crier ding ding ding ding ding toute la journée. Mais monsieur, ça se fait, ma balance. Quant à vous, mademoiselle Rachel la voisine, vous serez priée de nettoyer les morceaux de la cour tachée à la serpillière. Mais ça se fait pas, ce serait même pas à moi de le faire. Vous pouvez retourner en cours et ne discutez pas, sinon c'est 4 heures de colle. Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. And Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house, it's like I couldn't breathe. You heard the rumor from Inez, you can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up to your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Well, lead me to the garden. In the garden, would you trust me? If I told you it was just a summer thing, I'm only 17. I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym, and I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, well, I saw you dance with him. You heard the rumor from Inez, you can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that was what I did to you. But if I just showed up to your party, would you have me? Would would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me? If I told you it was just a summer thing, I'm only 17. I don't know anything, but I know I miss you. Walking home on broken cobblestones, just thinking of you when she pulled up like a figment of my worst intention. She said, jig it in, let's drive. Those days turn into nights. Slept next to her, but I dreamt of you all summer long. Oh, all summer long. And Betty, I'm here at your doorstep. Yeah, I planned it for weeks now, and it's finally sinking in. And Betty, right now is the last time I can dream about what happens when you see my face again. The only thing I want to do is make it up to you. So I showed up to your party. Yeah, I showed up to your party. Yeah, I showed up to your party. Will you have me? Will you love me? Will you kiss me on your porch in front of all your stupid friends? And when you kiss me, will it be just like I dreamed it? Will it patch your broken wings? I'm only 17. I don't know anything, but I know I miss you. Standing in your cardigan, kissing in my cardigan. Stopped at a street light. Je pense que vous avez reconnu, c'était Betty Cover de Jack Coco. Reprise de Taylor Swift. 19h-21h, comment t'es trop bien tombé sur Indestar. Dylan dans ton flux internet pour te présenter la classe. Et ils sont trop chauds. Hey, non, pas tout de suite. Tais-toi. Oh oui. Égalité. DJ Super. Fraternité. Non. Non, c'est bien ça. Non, non. Sodomisé. Oui, bah c'est la chanson. Mais tu nous l'as déjà mis en plus celle-ci. Oui, c'est Gilles Dor. C'est sa sonnerie de téléphone. L'artiste oh, l'a déjà entendu, ouais. Découvrir. Voilà. Mais, pas trop quand même, hein, mais oui. Ça fait partie des musiques qu'on aime bien. Après, je voulais juste faire une petite parenthèse. Oui. Chez Indestar, on est un peu mal poli. On voulait vous souhaiter quand même une bonne année 2023 en espérant que tous vos vœux se réalisent. Je déteste faire ça, mais. C'est pas qu'on est mal poli, c'est qu'on voulait pas souhaiter une bonne année. Est-ce qu'on avait souhaité la bonne année 2022 et 2021 et 2020? Bah, je crois pas. Et bah, bonne année 2020, bonne année 2021, bonne année 2022, bonne année 2023. On est pire que la SNCF. Et par contre, je commence à. J'ai mal au ventre, j'ai envie de faire pipi, hein. Très bien. Mais on s'en fout. Est... Ça, c'est une info pipi, là. Essentielle. Pertinente. Pertinente, toujours. Bon, cette émission est-elle pertinente? Je ne sais pas. Par contre, il y a des points à gratter. Parce qu'à la fin, il y a un conseil de classe. Et il y a un élève qui va se faire dézinguer. Et il y a un élève qui va se faire récompenser par un magnifique diplôme. Ouais. Jusque-là, ça va, Mel? Tu suis? Anna, okay. Fais attention. Bon. On suit des cours. On a des points. Alors, pour l'instant, on a fait quoi? On a fait pipi, cours de théâtre. On a fait cours de français. Ouais. Et on a fait cours de santé, je crois qu'on va. Non, on va faire cours de santé. On va faire cours de santé. D'accord. Ah, mais on a eu deux cours jusqu'à maintenant, en fait. Ouais, on est bien en retard. Ouais. Juste un quart d'heure, hein. Bon, ça va. Ouais. Juste. Non. Juste. On essaye hein, de suivre un peu là, les gars, ça va plus là. Cours de quoi? De santé sociale. Santé sociale. C'est au programme de 3ème, ça? Bah, écoutez la prof. C'est du maintenant, poulet, oui. Écoutez la prof. Ouais. Ah, c'est cool ce rez-de-chaussée. Bonjour, entrez, je vous en prie, installez-vous. Bonjour, madame. Oh, bonjour, madame. Je sais pas si c'est 2023, madame, mais vous êtes encore plus belle qu'en 2022, madame. Tu ne l'as jamais vue. Alex, va t'asseoir. Fayou. Mais attendez, vous connaissez. Alex, va t'asseoir. En dehors des cours. Putain, Alex, attends. T'es trop fort, Alex, je sais pas comment tu fais. S'il vous plaît, vous vous taisez, installez-vous dans le calme, je vous en prie. Je me présente, je m'appelle Madame Veil, donc je suis professeure de santé sociale. Hey. Donc cette fois-ci, ce sera un cours d'introduction. Tu attends, Alex. Ce sera un cours d'introduction de première. Tout ceci pour vous montrer ce qui se passe. Tais-toi, s'il te plaît. Tout ceci pour vous montrer ce qui va se passer, de quoi vous allez parler en première, une petite idée pour vous donner une idée sur ce que vous voulez faire. Merci, madame. D'accord. C'était très intéressant, madame. Ouais. Et madame, je me disais, vu que vous vous appelez madame Veil, est-ce que c'est parce que c'est la sobriété énergétique et du coup vous n'êtes pas allumée? Tais-toi, Alex. D'accord. Alors, tout d'abord, première question tout à fait simple pour vous. Qu'est-ce que la santé? La santé, c'est important. Ah, s'il vous plaît, chacun votre tour. La travail. Santé. Adèle. Ah, c'est le travail. Adèle, comment on se tient? T'as envie de parler là, je t'en prie. Le travail, c'est la santé. Dame, j'ai une idée. Alex. Bah, la santé, en fait, c'est tout ce qui est dans le corps et qui fait qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Mais vu que c'est le début d'année, on dit bonne année, bonne santé, donc on est en bonne santé. Mais pas des pieds. Oh là là. Je t'accepte le point. Quoi? Et moi? Merci, ma bonne femme. Roberto, je t'en prie, donne-moi ta définition du mot santé. La santé, c'est l'état physique du corps selon son état. C'est trop compliqué, attends. C'est trop compliqué. Madame, en fait, c'est quand on est en bonne santé, ça veut dire qu'on va bien. Ça veut dire qu'on n'a pas de microbes. Ça veut dire qu'on est. Non, c'est pas de maladie. T'as pas parlé de microbes. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'Anna a dit. C'est ce que j'ai dit, en fait. Par contre, si on est en mauvaise santé, ça veut dire qu'on est très mal. Ça veut dire qu'on est tout blanc. Comme Anna. Comme Alex. Je te donne un point. Merci. Madame, mademoiselle. Anna, j'aurais dit la même chose. Ça vaut pas vraiment. Il va falloir argumenter là. Tout pareil. Et pas dire que la même chose du coup. Qu'est-ce que la santé? La santé, c'est prendre soin de son corps. Voilà. Manger bien, faire de l'exercice, faire du sport. Un point pour Adèle. Bah, elle avait pas déjà répondu. Et Brigitte, elle a pas répondu. Ouais, non, mais non. Mais je travaille, c'est la santé. Zéro point. Mais moi, non, c'est bien manger aussi, je suis d'accord. Bah oui. Le point revient à Brigitte. Manger, bouger, point. Ah, bon, merci. Zéro point pour Adèle. Oh, alors, c'était déjà... Je vais vous donner deux exemples de définition. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Mais c'est ce que j'avais dit. Exactement. Ou alors, exactement. Nous avons une définition un peu plus récente. Qualité de vie, un équilibre précaire que chacun cherche à préserver pour atteindre une certaine harmonie avec son corps et son milieu. On se croit en français, il y a trop de compliqué. Capital santé aussi, on parle de capital santé. Moi j'ai mon capital tout court. Je regarde. Deuxième question. Capital. C'est les comptes en banque ça? Deuxième question. Oui. Donc la santé, on peut dire qu'elle est relative parce qu'elle est variable et subjective. Tout est relatif, madame. Donc chaque individu a sa propre définition de mot santé. Putain, vous pouvez pas faire des cours simples. Et à votre avis, ça dépend en fonction de quoi? De quoi, quoi? De quoi? Ah bah déjà de l'âge, madame. Ah bah de si on boit de l'alcool et qu'on fume, point madame. Pour Roberto. Du merci, sexe. De... Le sexe. Oui. Le sexe masculin, féminin, l'alcool, évidemment. L'alcool, la drogue, de tout ce qui est mauvais, en fait, ça nous rend mauvaise santé, madame. Tout ce qui est madame. Néfaste, madame. Oui, tout ce... bah oui, c'est que de qu'est-ce non, que j'ai dit. Non. Le quoi, bah, si on... La santé, elle est subjective et variable. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas toute la même définition. Mais en fonction de quoi on n'a pas la même définition? Tu m'as mis le point. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la même définition? En fonction de notre état de santé. En fonction de l'âge, en fonction du sexe. En fonction des maladies héréditaires. T'as déjà eu ton point. En fonction des maladies héréditaires. Je peux avoir un autre point, madame? Non. Quoi? Non. Bah, en fonction de... Vous avez peut-être une idée, Anna. En fonction de l'âge, du sexe. Anna. Madame, j'ai une idée. Non, mais toi, t'as déjà raison. Vous avez déjà eu votre point, Robert. Et alors, j'ai deux idées. Dites-moi, mais ce ne sera pas pris en compte. L'alimentation? Non. Quoi? Je suis sûre que si je mange que des cailloux, je meurs. Vous avez une petite idée, Brigitte? Les microbes? Peut-être parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose. Non. C'est bien d'essayer. Je vous dis, la définition du mot santé est variable en fonction de l'âge, du sexe, de la connaissance, de la culture, de l'époque dans laquelle on vit, de l'expérience, du territoire, du groupe social. Donc, par exemple, les familles et les professionnels n'auront pas forcément la même définition du mot santé, vous voyez? D'accord. Bon, question suivante. Admettons. Le mot social, que signifie-t-il? Vous pouvez noter sur votre ardoise parce que sinon vous aurez zéro point. Ah bon. Le mot social. Le mot social, qu'est-ce que c'est pour vous? Social. Mon Dieu, je crois que j'ai pris trop dur. Madame, j'ai marqué, moi, relatif à la société, madame. Oui, le collectif, oui. Oui. Être gentil avec les gens, ça peut y faire. Collectif métissé. Les relations, oui. Roberto? Il triche, madame. Non, je triche pas, c'est long à écrire. Les relations en société. Ouais, c'est ça. Être à l'écoute. Donc, première définition, concerne la société, le groupe social. Deuxième définition, excusez-moi, concerne les rapports entre un individu et les autres membres de la collectivité. Ouais. On a tous bon quelque part. Vous avez tous bon. Question bonus. Yes. Le bien-être, il faut savoir que c'est le fait d'être satisfait dans ses besoins, donc ne plus avoir de besoins. Satisfait du nécessaire. Et les besoins, les besoins fondamentaux vont se trouver dans une pyramide. La pyramide de Maslow, madame. Point pour Alex. Parce que mon papa, il a fait des cours de commerce et il a étudié la pyramide de Maslow. Et ah deuxième moi, point, deuxième. Il était égyptien. Vous pouvez avoir un deuxième point bonus si vous me dites. Une deuxième point bonus. Si en vous... Adèle, s'il te plaît, si vous me dites l'année de la pyramide. 1988. Et je prendrai la date qui va le plus, qui sera le plus l'année proche. L'année des pyramides. 1870. 70 aussi. 1800 ou 1900. J'ai dit 1800. 1960. 1850. 1970. Ah. Point pour Brigitte. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit 1800. T'étais à 100 près. T'as même fait répéter deux fois, Roberto. Bon, question. Dans cette pyramide, les besoins fondamentaux sont dans des niveaux de graduation. Mm-hmm. Combien y a-t-il de niveaux? 5. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Ou est-ce que c'est 7? Au pif. Au pif. Évidemment, c'est 5. Vous pouvez dire merci à Alex. Merci à Alex. Mon Dieu, Alex, fort. Ferme-la si je dis pas. Je peux lui enlever un point, madame? Non, je savais pas si c'était une question ou non. Non, on lui laisse. Je suis gentille, on lui laisse. Toi, t'es trop un nul. Une autre question. Tarf sa galère avec elle. Elle n'est pas aucune. Une autre question. On appelle instance ou agent de socialisation des acteurs sociaux ou institutions qui a une influence sur la formation de l'individu. Et je veux sur votre interface que vous me donnez un exemple de personne ou de quelque chose qui fait que la personne va être influencée dans sa formation de l'individu. Pourquoi? Putain, mais ouais, c'est vrai, vous ne comprenez rien. Quelqu'un qui se retrouve dans la pyramide, du coup. Non, bah, Enfin, c'est tous les besoins de la pyramide dans une personne. Mais c'est quoi ta vie? Comment ça? S'il vous plaît. Du coup, faut qu'on fasse quoi? J'ai rien compris. Alors, l'influenceuse. Écoutez-moi. Une instance de socialisation, c'est un acteur social ou une institution qui a une influence sur une personne, en gros. Ah, ok. Et je veux que vous me donniez un exemple de métier qui fait ça. Je sais pas si je suis... Je veux que vous me donniez, par exemple, quelque chose qui peut faire qui fait que l'individu va être influencé. Ça peut être une personne ou autre chose. T'as copié. Instagram? Moi j'ai mis Facebook. Alors j'accepte parce que ça fait partie des médias. Bah oui. Donc j'accepte. Ça influence les professeur, réseaux sociaux. Professeur, j'accepte. Professeur, et moi c'était quoi? Le McDo. Non. Mais trop pas le McDo. Mais c'est parce que des fois quand Rachel elle me dit oh non j'ai pas envie de sortir, juste à lui dire je te paye un McDo, elle y va. Moi, alors je l'ai influencée avec le McDo. Mais elle est pas influencée par le McDo. Elle est influencée par de qu'est-ce qui parle du McDo. Qu'est-ce qui fait que tu vas être influencée par exemple? Bah le burger. Tout simplement. Facebook. Le train. Et oh s'il vous plaît. Tout simplement, la famille, la crèche, l'école, les médias, les assistantes maternelles, les pros, les groupes de pères, donc les personnes qui vont avoir les mêmes loisirs. La RAM. Etc. Quoi? Non. Donc, Adèle, elle a pas le point. Vous avez tous bon, sauf Adèle. Mais vas-y, le McDo, c'est super influençable. Mais non, c'est non, pas c'est ça super influençant. Avant-dernière question. L'hamburger, il est vachement influençable. Hein. Avant-dernière question. Le Big Mac, je me sens burger aujourd'hui. Mettez-moi sur votre ardoise la définition qui se rapproche du plus du bien-être social. On a déjà parlé du mot social, on a déjà parlé du mot bien-être. Je veux la définition du bien-être social. Bah, on combine les deux, madame. Marqué. Bien sûr, j'écris marque. Bah, mieux d'être gentil avec les gens, on est bien on écrit. Avec les gens. Je n'accepterai pas cette réponse. Madame, ma copie. Ah, enfin, attention, j'enlève des points, Adèle. Je peux avoir un point? Madame, j'ai une réponse. Être bien avec son entourage. Dans son entourage et avec son entourage. Je t'accepte le point. Ah oui, madame. Je rassure pas. Elle a dit justice, égalité. Ça peut Brigitte. Fonctionner oui. dans le d'être bien dans un groupe social. Effectivement, je te l'accepte, Anna. Mm-hmm. Brigitte, madame. J'en ai mis deux. Égalité. J'en avais un. Non. Ça marche pas. Aucun des deux. Même. Bon, tant pis. Roberto? Il y avait un peu de la République. Oui, un peu. Anna a eu bon. Alex a eu bon. Pas Brigitte. Je vous ai demandé une petite définition. Pourquoi tu copies sur moi à chaque fois? Roberto. T'as écrit quoi? Être bien avec son entourage. Être bien avec son environnement social. Je te l'accepte. Même chose. Ouais. Écouter et améliorer la vie des gens. Accepter ma réponse. J'ai donné 2 euros et n'hésitez pas devant le leader. C'est quoi améliorer la... Écoutez, je te l'accepte dans le fait d'être bien dans son groupe. Donner 2 euros, c'est. Alors, une définition. C'est le fait d'être bien dans son groupe social. Liens sociaux. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Avoir un niveau de vie suffisant, économique, financier, logement, etc. Et avoir un mode de vie harmonieux. Donc, le fait d'être bien dans son environnement, avoir une sécurité physique, etc. En sachant que c'est relatif quand même, dame. Tout est relatif. Vous avez bien écouté, j'espère, ma définition. Oui. Non, mais parce que vous dites, genre à un moment donné, vous dites être bien financièrement et tout ça. Mais je vois par exemple, moi, mon oncle, il a vécu dans une tente dans les bois et il était bien. Bah, il avait suffisamment d'argent pour vivre dans une tente dans les bois. Alors que mon arrière-grand-mère, c'était une quechua, non ? C'était quand même une quechua parce qu'il avait Il était blindé. Où est-ce que tu veux en venir, Alex ? Et bah, parce que mon oncle, qui lui est très très riche, mais il dit qu'il a jamais assez d'argent pour se payer la nouvelle Rolls. Donc, il sera jamais, il aura jamais un bien-être social épanoui. Mais comme quoi tout est relatif. Parce qu'en fait, mon oncle il a beaucoup plus d'argent que ma grand-mère. Stop, enfin, Alex. Bref, l'inverse. Stop, Alex. Et du coup. Nous passons à la dernière question. Je m'embrouille. Hein. J'espère que vous avez bien écouté la définition. Ouais. Parce que je veux un exemple du bien-être social. Ah bah. Mon oncle. Mais tout est. Un exemple. Tout est relatif, social. Madame. On peut donner un métier de bien-être social. Quoi? Écrit. Mais madame, c'est par rapport à quel exemple? Je veux que vous me donniez un exemple de bien-être social. Pour vous ou pour nous? Bah, un exercice. Vous me donnez juste. Une activité, un métier. On écrit sur l'ardoise, s'il vous plaît. Putain, mais je comprends rien, vraiment. Cours de première. Moi, j'ai marqué moi dans votre cours, madame. Alex, je ne t'accepte pas. Bah, allez, bim. Je n'accepte pas les... Comme on dit dans votre jargon, et lèche-cul. Mais non, madame, c'est parce que là, je suis bien, là. La famille, pour Anna, c'est un point. Anna, c'est un point. Waouh. Ça dépend quelle famille. Hein. Putain, c'est qui déjà qui faisait waouh? Tu sais, à chaque fois qu'il gagnait, il n'y avait pas un jeu comme Roberto, un point. Partage. Le partage. Elle n'a pas compris l'exercice. Non, ça, à chaque fois, elle dit non. Hein. T'as remarqué. Hein. Donc, Roberto, un point. Alex. Mais non, j'avais dit non. Bah, moi, je me. Anna, un point. Et moi, là, je t'ai mis mon truc de Et oh, vous parlez encore comme ça, c'est conseil de discipline. Et un point pour Adèle. Elle a marqué quoi, Adèle? Être psychologue. Être psychologue, c'est faire partie du bien-être. Parce que tout simplement, le bien-être social, c'est avoir une passion, avoir un travail, d'où être psychologe, j'accepte. Ah. Toi, t'aurais pu être écrit. Être un chien, ça marche. Tiré par la queue. Hein. S'il vous plaît. Avoir une famille, avoir un sport. Être épanoui, des animaux. Être le bien-être dans sa tête, mais dans son milieu, nouille, dans sa société, l'éducation et une bonne entente avec votre entourage. Et tout ça dans le respect. Ouais, bah, j'ai été entouré. Franchement, ça laisse à désirer. Je vous conseille pas d'aller dans cette branche-là. Hein. Roberto. On a le temps de réfléchir. Viens avec moi, là, il est midi, il faut qu'on aille à la cantine. Ah oh ouais, putain, je suis trop faim en plus. Et j'ai un truc là, t'as pas vu comment c'était chiant son cours là? Oh putain. M'en parle pas. Ah ouais, j'ai un truc là qui peut bien nous faire rigoler là. Vas-y, c'est quoi? Regarde, c'est un petit ballon où j'ai mis un peu. C'est le. Vas-y, essaye. Oh la vache! Ah, ça envoie du lourd ton truc! Attends, je teste. Ah putain de ta mère! Mais c'est quoi? Mais c'est de l'hélium! Mais oui, c'est ça! Oh mon dieu, mais c'est comme la nouvelle musique qu'on va écouter! Mais tout à fait! Allez, goûte! When you kiss me, like you mean it, and there's no distractions. It's so real, I can feel it in my bones. It's magic, I won't live my life wondering, you're still here, you're here, and I'm here, there's me, and I'll never let you go, no. It's the way that Sur Indestar jusqu'à 21h. Comment on fait trop leur sup ce soir? Abusez! Une fois que les filles sont plus là. C'est clair, ça va beaucoup mieux. Bon, elles ont été aux toilettes, que voulez-vous? On a été pissées dehors. Ouais. Oui, vous avez été, vous avez été dehors, très bien. Laisse tomber un geyser. Ouais, on dit tout dans cette émission. C'est la classe comme tous les premiers mercredis du mois. Et là, nous allons aller nous défouler. Parce que vous avez été dehors faire l'échauffement, mais là, on va tous aller en cours de sport. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en cours de sport. Alors, je sais que c'est pas très visuel, mais bien entendu, il y a certainement des élèves de la 3, c'est quoi, la 3P, qui font les petits malins et qui ont toujours leur téléphone portable pour se moquer des autres et filmer les scènes de sport qui ont lieu. Donc là, en cours de sport, on va essayer... vous avez tous vos affaires de sport, hein, j'espère? Oui, les élèves, ouais. Affaires de rechange. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devines. Et t'auras un point. Je sais pas ce que tu veux, Amel. Il a pas deviné. Voilà, ok. Bon, donc on part en cours de sport. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que les élèves sont prêts? Est-ce que les élèves du collège Itim sont prêts ce soir? C'est parti. Alors, il me faut deux équipes. Attends, attends. Et ça a pas sonné encore. Bah, attends, j'entends pas, moi. Ok. Je suis Allez-y, en courant, allez, on est motivés, les gars, allez, on bouge. Alex, bouge ton cul un peu. Mon assistant. Oui. Théodore. Toujours là. Gendarme. Fais les passer, là. Ouais. Allez, on se bouge. Allez. Plus nous, vite. On a fait pire, nous, c'était l'armée chez nous. Assistant, bon. Théodore. Oui. Vous prenez la place du microbe, là-bas. Ok, je prends le téléphone. Le microbe, vous allez sur la piste, là. Va gringaler, va te muscler un peu. Non, on n'a pas le temps de se moucher. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, viens là, viens parler au micro. Vous êtes belle. Je sais, retourne là-bas, vite. Allez, petit échauffement, là. Allez, on sautille. Allez, petit échauffement. Et en fait, ça ne servira à rien. Posez-vous un petit peu. Alors, écoutez. Écoutez bien. Je vais vous décrire une posture de yoga. À vous de la faire. Le premier, si vous arrivez à faire cette posture juste alors que je la décris, vous gagnez 3 points. Sinon, je vous la montre. Juste en pré, cette posture, vous la gardez jusqu'au bout parce que je vais vous poser 3 questions. Donc, vous gardez cette posture jusqu'au bout des 3 questions. Attention, on va faire la posture... je ne l'ai pas écrit. Si, la posture du demi-pont. Est-ce que l'assistant peut parler 5 minutes? J'ai oublié mon téléphone. Je parle 5 minutes alors. Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un peut déjà me faire un pont pour commencer? Allez. Fais-moi un pont, vas-y. Et ton pont, il est plat là. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Merci. C'est quoi ce chien battu? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Attention. Pour la posture du demi-pont, placez les bras sur le côté, le long du corps, paume tournée vers le sol. Paume tournée vers le sol. Ah mais il faut que tu sois allongé sur le sol. Oui, allongez-vous. Dos plaqué au sol. Pliez les genoux. On plie les genoux. Attention. Théodore, tu regardes bien s'ils ont tous bien correctement. Les paumes au sol, on a dit. Alex, mets-le, Brigitte. Et écartez les genoux à la largeur du bassin. Ouais, ça veut dire écarter. On écarte et on accouche, allez. Théodore, tu vois bien qu'il y en a qui ont un peu plus de genoux écartés par rapport au bassin. Il y en a qui ont l'habitude de ça. Voilà, c'est ça. Rapprochez les talons près des fesses. On rapproche les talons près des fesses. Hein? Placez les bras sur le côté. Voilà, c'est parfait. Le long du corps, paume tournée vers le sol. Ça va être compliqué là. Inspirez en levant inspirez en levant lentement le bassin. On inspire. Inspirons. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bah il faut tenir pendant les trois questions. On tient pendant les trois questions. Attention, attention. Et attention, je vais vous demander en commençant par Anna, je vais vous demander un sport commençant par B. Oui. Badminton. Basket. Bicyclette. C'est pas un sport, ça. Je suis pas sûre que le bicyclette, ça passe. Est-ce que vous avez un sport? Babyfoot. C'est pas un sport, c'est pas un sport. Et on met un point pour Anna et un point pour Rachel. Attention, deuxième. Tenez bon. Sinon, vous êtes définitivement éliminés. Donnez-moi un sport commençant par P. Non, on va commencer cette fois-ci un peu plus loin pour P. Ping-pong. Oui. Du patinage artistique. Oui. Pédalo. C'est pas un sport. Donnez-moi un autre sport. Du patinage sur gazon. C'est pas un sport. Et attention, si vous restez plus de 10 secondes, vous gagnez encore un point. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Alors Alex, votre mère, comment on dit ça? Votre ressenti. J'en peux plus, madame. Et bah c'est pas fini, on a encore une session. Allez, c'est parti, on se relève. Bah oui. Allez. Bah aussi longtemps, mais je vous rassure, je prends des... Faudrait que t'arrives à leur décrire cette position, Théodore. Ouais. Attention, la posture du lézard. Oui, mais après, du coup, ils auront pas 3 points. Il faut décrire un minimum. Ok, je vous montre l'image pendant 3 secondes chacun et vous devez me la refaire. Une. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Trois. Allez, c'est parti! Attention, lui qui me fait cette position. Et bien sûr, on peut toucher. On dirait que Rachel a un petit souci quand même. Tu vas rire, mais dans mes cours de capoeira, je fais ça. Ah ouais? Ouais. Alors, qui est-ce qui a bon? Nous avons Brigitte qui a bon. Nous avons Rachel qui a bon. C'est à peu près tout. Non. Mais je... Non. Anna est bien là. Anna est il bien. Faut que tes bras soient à côté de ta jambe. Ouais. Voilà. Il faut reculer l'autre jambe du coup. Recule l'autre jambe derrière. Il faut que ta jambe de debout soit, enfin de devant soit. Ah, bah... Et attention, on tient. C'est de la souffrance un peu psychologique. Puis Alex, c'est mort. Hein, tu vas abandonner. T'as un bras à côté de l'autre. Enfin, c'est n'importe quoi. Donnez-moi un sport commençant par T. Du tennis, madame. Yes, par T. Je sais pas, madame. Ok, faux. Je sais pas. Du triathlon. Yes, nous avons. Bah, ils sont pas très très forts en sport, hein, Théodore. T'en penses quoi? Ouais. Alex, ton bras. Attention, un sport commençant par C. Alex, ton bras. Cycliste. C'est pas un sport. Si, le cyclisme, c'est un sport. Ah oui, merde, si, c'est un sport. Le konnichiwa, le je sais pas. La course à pied. Oui, c'est ça. La capoeira, bordel. Et attention, on tient 15 secondes pour avoir un point supplémentaire. C'est normal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Et bien sûr, Alex, tu n'as pas le point parce que tu avais le genou à terre. Est-ce que... Oui, mais vous avez eu le genou à terre. Ah non, c'est la position de main qui est pas mal. C'est pas bon, Bah, je sais pas. Non, la position est pas bonne, c'est tout, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Hein? Dans tous les cas, vous n'allez pas les 3 points vu que la position n'était pas bonne. Et j'ai demandé une position bonne, ok? Vous avez pas dit ce que c'était. Vous avez pas expliqué, vous avez dit juste c'est pas bon et puis après vous avez dit de tenir. Alors bah écoute, hein, je t'ai laissé tenir comme ça, dans tous les cas, t'as pas les points. Voilà. Est-ce que ce petit cours de sport vous a plu? Non, c'est nul. Mais non, ça, vous avez kiffé. Allez vite, on retourne en courant, vite, allez! Dépêche-toi, Théodore, foulard, des coups de pied au cul si ça avance pas! Allez, on y va! Je suis tombé sous le cul! Allez, Théodore, va à ta pause, tu peux, t'as été mignon. Ils ont été trop injustes avec moi! C'est trop pas du juste! Ah bah oui! Oh là là! On est où là? Ah bah. On est à la récréation! Je sais plus où on en est, monsieur! On est à la récréation! La récréation! Oh là là! On est perdu. L'organisation. Mais non, mais madame, il n'y a même pas eu la fin du cours. Ah pardon, autant pour moi. Ah. Oh, putain. Merci moi maintenant qui manque. La cour de récréation, madame. Et Alex? Oui. Est-ce que toi t'as vu la photo que Roberto il a pris d'Adèle en sport? Tu sais quand elle a enlevé son t-shirt? Elle a levé son t-shirt, on voit tous ses seins. C'est vrai? Bah vas-y, monte, c'est où? Bah, sur le snap de la classe. Tu l'as pas vu? T'es pas dessus? Ah non, mais j'avais pas un snap, moi. Moi tu sais, moi je suis hors technologie. Moi, tu sais, quand tu me parles de snap, je pense à la chanson de Rosaline, là, ou la reprise des mines. Tu connais la reprise des mines? Bah, non. Ça fait snap. Vas-y, écoute, je suis sûr que c'est mieux. Indestar. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouver un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les 3 derniers. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. De mon cœur, tu t'en vas. je veux pas. J'écris une chanson, ce sera la dernière. Je les compte plus, j'ai déjà dit ça hier. Ça fait quelques mois que j'ai le cœur en feu. Et j'ai passé des nuits sous la pluie pour l'éteindre un peu. Je craque une et deux fois, mais je te vois pas. Dans mon cœur, tu es là. Je craque trois et quatre fois, je n'ai plus besoin de toi. De mon cœur, tu t'en vas. Devinette, comment Veski les cours? Bah en animant la classe, trop la planque. Up in the morning and out to school. Yeah. The teacher is teaching. C'est quoi, c'est Chuck Berry ça? Ah non, on dirait du jazz. American. Bah non, la country, un petit peu. Tu veux dire. Ah ouais, peut-être ça. Plus de rhythm and blues. La country de la vraie. Non. Et on comprend strictement que dalle. Bah si, ouais. C'est pas bah, comme tu sais pas la parler anglais. Aussi. Mais c'est pas de la country. C'est... Si, c'est de la country. C'est de la vraie country. Moi, je dis que ça ressemble à du jazz. C'est du rock and roll. Le début ressemble à du jazz. C'est du rock and roll. C'est de la country avec un chapeau de cowboy. Chuck Berry. Right on the Beethoven. Good part for the future. Bref, vous êtes dans la classe. Vous êtes sur une des stars. Et le premier mercredi du mois, on part au collège. Oui. On régresse quelque part. Le collège. J'ai l'impression que plus ça va, plus c'est pire. Hein. Tout le monde a fait tout son collège ici. Oui. Personne s'est arrêté en cours de route. Non. Non. C'est bien. C'est bien. Je suis trop, j'étais trop un télo. Non maman, toi t'es arrêté. Non, la vraie question c'est trop un télo. Est-ce maman, qu'il y en a? Maman, j'étais un télo ou pas? Est-ce oui. qu'il y en a? Oui. Merci. Non, non, c'est trop méchant. Argumente. Hein? Oui. Et même ma mère enceinte à 17 ans, elle a quand même fini ses examens jusqu'au bout au lycée. Mais moi je crois bravo. Que ça s'est perdu hein, d'être un télo au collège. Non, c'est que le collège a régressé. Le pire, j'étais une très un télo. Une très un télo, ouais. Ouais, ça sent bien. Hein. J'ai dit que j'étais un télo, pas intelligente. On sent calme. Vraiment que le niveau non, du collège non, globalement. Non, en vrai, au lycée, collège aussi, mais au lycée, j'étais très un télo. Je veux dire, c'était court. Hein. Ouais. Elle avait juste le stéréotype. Ouais. Hein, court, mais c'est. De moyenne. Du tout coup, il y a vachement une distance. Pas du tout. Un peu, tu vois, genre c'est bizarre, t'es sûr que t'es sa mère. Parce que toi, toi tu cherchais autre chose, t'es tombée enceinte. Elle a cherché que les cours, c'est pas normal, hein, au bout d'un moment. Combien d'années après le bac? D'accord. Bon, alors on enchaîne. Pardon, j'ai pas entendu la question. La vraie question je sur le collège. Je suis passée dans un tunnel. Qui est-ce qui a apprécié le collège à tel point d'en faire un an de plus? Ah oui, moi. Voilà. C'est ça la vraie question. C'est vrai. Bon, mais 5 ans au collège, hein, c'est dur. C'était une quoi? 5 ans? Oui, 5 ans. C'est le principe de redoubler, putain. Ah oui, t'as redoublé. Et t'es l'intello. Tu te calmes. Il y en a qui ont fait largement pire que moi. J'avais un mec en 4ème, il avait 18 piges. T'avais un mec en 4ème? Oui, il y avait des mecs dans sa classe. Les deux. Voilà, qui avait 18 ans. Donc lui, il aimait sacrément bien le collège. En fait, il a redoublé toutes ses classes. À peu près, ouais. Okay. Il y a un moment, faut... Ouais, faut arrêter, ouais, c'est clair. Quand t'es là plus longtemps que les profs, ouais, c'est clair. T'imagines, genre, tes profs, t'en fais des amis, quoi, tellement... Ouais, il allait en salle de prof. Je suis pas sûr, en plus, que c'était vraiment des amis. Si tu veux, le mec avait 3 de moyenne et foutait le bordel en cours, donc voilà. Donc, il faut y redoubler encore. Il avait la chance de pas être viré. Il y en a qui leur de hein. Ouais. Là, on va faire quelque chose qui est pas forcément très courant au collège. Même pas du c'est tout. D'aller en cours de couture. Ah, c'est où la cour de couture? Je crois que c'est la porte qui est juste là. Mon ENT, le wifi marche mal. Attends, je vais peut-être t'aider. Ça fait mal. Ah, entrez. Quelqu'un qui reprend. Bon, bah, n'entrez pas si vous reprenez. Hein. Oui, non, c'est bon. Allez-y, vous pouvez rentrer. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers élèves. Tu vous avez changé de lunettes, monsieur. Tu dis pas qu'il est beau. Mais vous me connaissez. Mais je te connais pas. Non, mais bah, vous vont ravir en tout cas. Hein, ah, merci, c'est gentil. C'est mes lunettes de secours. J'ai accidentellement cassé mes lunettes principales. Ah, mais ça, c'est des choses qui arrivent, monsieur. C'est vrai? Ouais. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Alors moi je m'appelle Monsieur Accoudre, comme vous avez dû le voir dans vos emplois du temps, nous allons faire un peu de couture. C'est original, ça, monsieur. Hein. Oui. Pourquoi, d'après vous, nous avons un cours de couture, là, en troisième. Et pour nous couturer. Oui, mademoiselle Rachel, c'est ça? Non, Adèle. Adèle, bon, c'est pas grave. Je vais vous appeler madame A. Parce que on est foufou, donc on a tendance à courir. Donc, c'est pour réparer nos bêtises de boutons cassés. Surtout, pas du tout. Surtout mais quand peut-être. Rachel, elle tombe par la fenêtre du deuxième étage. Comme ça, c'est pour la recoudre. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Non, c'est parce qu'il va y avoir le bal du collège. Et vous voulez qu'on fasse notre propre Exactement. Donc, j'ai des modèles ici présents. Voilà, hein, vous les voyez, ils sont beaux. C'est du beau modèle. Je préfère celui-là, monsieur. Hein. Oui, calmos. Nous avons des robes, nous avons des costumes, nous avons des tuniques, nous avons des toges. Ouais, parce que le thème, c'est Empire antique, romain. Voilà, donc vous pouvez vous mettre en toge si vous avez envie. Ça ressemble pas vraiment au film américain, ça, monsieur. Hein. C'est pas américain, les toges? Non, mais justement, ça ressemble pas vraiment. Moi, je pensais qu'on pourrait choisir notre propre truc. Bah, parmi les modèles existants, va falloir les modifier. Moi, je pensais que ça allait être stylé. Vous le faites pas tout de A à Z, c'est beaucoup trop dur pour votre niveau. Vous venez à peine d'arriver. Vous savez ce que c'est, une aiguille? Oui. Ouais, c'est bien. Une botte de foin aussi. C'est pour couturer. Ouais, moi. je vais t'appeler Madame B, toi, parce que... Donc, nous allons faire nos tenues pour le bal de promo. Donc, je vous invite à choisir parmi ces tenues. Ah, moi, je veux la bleue. Toi, tu auras la toge. Moi, je veux la toge bleue. Tiens, oui, allez, la toge bleue. Ouais. Mademoiselle B, vous allez prendre... Rachel. Oui. Ouais, mademoiselle B, vous allez prendre la robe. Merci. Voilà. À côté, madame A, vous voulez quoi? Robe, tunique, toge, elle est costume. En fait une réflexion, robe. Ça peut durer longtemps. Ça sera robe aussi. Hey, mademoiselle que je n'ai jamais entendue encore, vous êtes dans le fond de la classe, vous avez envie de quelque chose? Un petit café peut-être? Non, une robe. Allez hop, une robe. Ils sont pas originales, hein. C'est vrai. Mm-hmm. Vous avez pris la toge, vous êtes bien, je vous aime bien. Ouais, merci monsieur. Et enfin, Brigitte? Et moi, une salopette. Ah, c'est Mario? J'ai pas ça. Ça y était pas pendant les autres. On se met pas en salopette au bal. J'ai robe ou tunique si vous voulez. Ah, poil. Non. Pas de nudisme. Alors, si, dans la Rome antique, si c'était. Mais on va éviter ça. Vous êtes pas drôle. Non, c'est interdit. Comment tu veux coutuser sur du nu? Coutuser. Ça pique un peu. Voilà. Bref. Donc, nous allons parler déjà des robes pour commencer. Mesdames. Oui. A et B. Oui. Essayez, du coup. Essayez. ABC. Allez hop. La brochette gagnante. Vous avez des robes. On est d'accord. Est-ce que vous connaissez quelques petites règles sur comment porter une robe? Il faut que l'enfiler. Le devant soit devant et le derrière soit derrière. Il faut que ce soit dans le bon sens. Il faut que ça soit la bonne taille. Le bas soit en bas et le haut soit en haut. Il faut que ça soit la bonne taille. Je n'ai pas compris. On va dire c'est les règles à proprement parler. Je vais vous poser une question. Vous allez écrire sur votre ardoise et on verra à la fin du cours ce que ça donne. Tout le monde, monsieur, ou Tout le monde, vous pouvez tous répondre. Donc la question, ça va être simple. Ah! Vous êtes. J'ai écrit simple, monsieur. Non. Non. Attention, vous allez perdre des points. Hein. Déjà que vous avez la toge. Alors, quelle est la règle quand on porte une jupe ou une robe longue? Ne pas avoir de culotte! J'ai dit de l'écrire. Ça n'a rien à voir avec le sous-vêtement, c'est plus par rapport au haut, au bustier. C'est quoi la question? Quelle est la règle quand on porte une robe longue par rapport au bustier? Par rapport au bustier? Il y a une règle de bien-aisance, une règle sociétale. Quand on porte une robe ou une jupe longue, il va de coutume de... C'est ça, mais écrivez-le sur votre ardoise et gardez-le sur votre ardoise. On comptera les points, on comptera... En fait, c'est un CCF. Donc tout au long de ce CCF, cours... C'est quoi CCF, monsieur? Contrôle en cours de formation. Ok. Donc vous allez garder, bien sûr que si. Vous allez garder vos réponses sur votre ardoise. Faites de la place, hein. Faites ligne par ligne. Monsieur, s'il te plaît, je préfère pas parce que en fait, ça écrit pas beaucoup moi. Bah ouais, moi non plus, ça s'efface. Tiens, ça écrit et ça coule aussi. Mais moi, je l'ai écrit sur une grande place. Bah tu l'aurais écrit en petit. Oh là là, et t'écriras derrière ton ardoise. Attendez. Et en attendant, vu qu'on attend les derniers retardataires, les autres vous pouvez coudre. Hein. On est d'accord? Ouais, on n'est pas d'accord. Ah, c'est l'aiguille. Tu t'es piqué? Bah, ça pique une aiguille. Ah, il te faut peut-être un outil. Un outil qui se met sur le doigt. Ah, j'ai oublié le nom. Un gant. Non, notez-le sur votre ardoise si vous l'avez. Un petit outil qui se met sur le majeur quand vous faites de la couture. Ah, j'oublie toujours le nom. C'est vous, monsieur. Ouais, écrivez-le sur votre ardoise s'il vous plaît et fermez-la parce que si j'en entends parler, je vous jure que j'enlève des points. Comment il parle ? Ouais, j'aime pas trop quand on donne les réponses. Hein. Attention. Vous êtes mal poli, monsieur. Oui. Monsieur. Oui. J'ai ramené une polisseuse. Mais c'est bien. Bah va polir les murs si non, tu. Non, c'était pour vous. Hein. Ah oui, je viens de comprendre. Mince. Alex, attention, vous filez un mauvais coton. Mais non, c'était une blague. C'est une au moins j'ai retenu votre prénom, c'est déjà pas mal. Ta gueule. À vos souhaits, madame. Merci. D'ailleurs, vu que vous avez terminé, ça va vous tomber dessus. Vous savez les costumes. Vous voyez le costume là ? Non. Non, vous le voyez pas. Mais si, bah quand même. C'est un costume, ce qu'on appelle un costume 3 pièces. Et derrière, si je le retourne, vous voyez qu'il y a une queue de. Du Mickey. Putain, je sais plus quel est l'animal, c'est. Une queue d'animal, une queue d'oiseau. Écrivez-le sur votre ardoise si vous le savez ou pas. Vous savez, c'est. Les costumes, en règle générale, c'est les hommes qui les portent. Ah. Ça porte un nom d'animal, je sais plus lequel c'est. Ah putain. Je sais pas, mais écrivez-le sur votre ardoise. Bah, moi j'ai mis au pif, hein. Moi aussi, monsieur. Comment ça vous avez mis au pif? Bon. Un oiseau? Oui, c'est une queue. Oui, j'ai dit que c'était un oiseau, donc merci. Un castor n'est pas un oiseau. Jusqu'à preuve du contraire, je demanderai à mon collègue de biologie, mais je pense que non. J'ai un doute. Vous, mademoiselle, votre tunique, ça va? Oui, ça va, merci. Vous ajustez-la au niveau de la taille, je pense. Oui, je vais essayer, oui. Ouais, c'est mieux. D'ailleurs, vous avez pris une tunique dans un matériau assez noble, assez cher. Mm-hmm. C'est l'un des matériaux les plus utilisés et il avait même une route à son nom. Ah oui. Quel est ce matériau? Écrivez-le sur votre ardoise, s'il vous plaît. Je l'ai marqué, monsieur. C'est bien. Vous pouvez répéter, monsieur. Une route. Le matériau dans lequel Madame D a fait sa tunique. Ah oui. Alors, c'est... Oui, voilà. Oui, non, attention, c'est on confond pas les lettres. Hein. C'est la N20. Elle a fait sa tunique étant un matériau assez noble, assez cher. L'un des plus chers qui existe quand même. Il y en a plein. Ah, bah oui. Level il y a plein de matériaux, évidemment. Si et que, comment dire, il y a même une route qui est à son nom. Une route. De ce matériau. C'est très facile. Alors, normalement, c'est dans vos cours d'histoire au niveau. C'est la route 66, monsieur. Non, du tout. D'ailleurs, en parlant de matériaux qui est cher, parce que ça, c'est l'un des plus chers, mais c'est pas le plus cher. Ah non. Est-ce que l'un d'entre vous, et là, vous pouvez me répondre à l'oral si vous voulez. L'or. C'est pas matériau. Bah, on est en couture, on parle de tissu, voyons. En soie. Non. Le matériau le plus cher. Enfin, le tissu le plus cher. Le velours. Non. Ça coûte pas si cher que ça. Oh, ça du coton. Non. Le cuir. Non. Mais non, Mimi Mathilde l'avait dit dans Joséphine Ange Gardien, je me rappelle plus. Du simili cuir. Mais non, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire, c'est le. Ça touche. Mais comment on fait le quoi ça touche. Ça touche à quoi? Ça touche quoi? Ça touche. C'est fait avec des poils d'un animal. De chèvre. Non. Le bison. Non. Non. Si vous me le trouvez, un mammouth. Non. Non. Une vache. Non. Lama. Attends, non, mais c'est pas loin. Un alpaga. Chameau. Non. Lama. Un alpaga. Non, c'est pas loin en termes de région. Parce que si vous me donnez la région, moi, d'où ça vient. Parce qu'il y a que dans un pays éléphant. Qu'on en trouve. Hein. Non. Un lion. Un kangourou. Un tigre. Je vous demande un pays, mais. Ah, on cherche un pays. Le Pérou. Ou non, alors d'habitude c'était un animal, mais là. Là c'est le Pérou, monsieur. Non. L'Australie. Quoi? Mais j'en sais rien. On parle de quoi? Elle a dit des lamas, madame C. Ah bah les lamas c'est ça en... Ça vient d'où ça? En... Est-ce que c'est en France? Tu sais là-bas là... Bon ça vient du Tibet bordel. Le Tibet voilà. Bah oui. Oh là là. Donc c'est des antilopes tibétaines. Ouais, j'étais pas loin, j'étais dans la savane. Il y a pas de savane au Tibet. Il y a des antilopes dans la savane, oui, mais il y a pas de savane dans le... C'est n'importe quoi. Il y a pas de savane dans l'antilope. Il faudrait qu'on fasse un cours de géographie, hein. Oui, je crois. J'ai toujours été nul en géo. Mon collègue en géo, ouais, il a du souci à se faire. Bon. On parlait de biologie aussi. Personne n'a pris le costume, c'est vrai. Ah, c'est dommage. Vous voyez sur le costume, en haut, du coup, vous avez la partie du haut. Moi, je vois pas le costume, monsieur. Mais changez de lunettes, mademoiselle. Moi, je vois le costume, monsieur. Il est très beau, le costume. Et en bas, vous avez le pantalon. Ouais. Mm-hmm. Alors ça peut vous être utile tout au long de votre vie. Les pantalons, ils ont plusieurs coupes. Ah oui? Un pantalon, c'est un pantalon. Hein. Non. Eh ben non, justement. T'as la taille basse, la taille haute et tout. Non. Non, c'est ce qu'on, c'est pas ce qu'on appelle des coupes en pas def. Voilà. Ah, ça sent déjà un peu plus la coupe. Allez, c'est Valtiz. Alex, on l'a dit en même temps, pas de. C'est toujours pas une coupe de pantalon, mais vous y en approchez. Bah. J'aimerais que vous m'écriviez sur votre ardoise deux coupes de pantalon. Mais j'arrive déjà à pas en trouver une. Je vais vous en donner une slim. Donc vous l'écrivez pas parce que sinon ça. Voilà. Mais la coupe slim, c'est la coupe d'un pantalon qui est assez serré. Vous en avez écrit deux, c'est bon ? Oui, bah slim. Elle en faut deux ? Mais moi j'ai gardé slim, hein. Mais slim ne compte pas. Putain. Slim, c'est... En vrai, il y en a 1, 2, 3, 4. Et je peux en accepter un cinquième si vous voulez. Normalement, c'est connu. Hein. Je sais pas si vous mettez des pantalons. Oui, vous avez l'air d'avoir mis des pantalons quand même. Voilà. Oui. Donc vous continuez à coudre. Si vous voulez, parce que là, vous êtes en train de coudre à la main. Ça peut piquer, c'est chiant, c'est dur, long. Hein. Ouais. Vous pouvez peut-être utiliser des machines. Oui. J'en ai plusieurs à disposition. Alors, je sais jamais les noms. Je les appelle A, B ou C aussi. Bah ouais, par exemple, machine à coudre. Écrivez-moi deux noms de machines qu'on utilise pour faire de la couture. La marque de la machine. Non, juste le nom de la machine. Je connais machine que elle-même. Machine à coudre, moi. Bah, moi aussi. Ah, moi aussi. Mais il y a moi d'autres aussi. Machines. Ah, machine à tricoter. Écrivez. Ah, bah, écrivez. Ah, merci. Ouais. Ouais, il sera pas accepté de toute façon. Bah, si. Il sera accepté que d'une personne qui l'a donné à Laura. Voilà. Mais elle aura moins un point vu qu'elle l'a donné à Laura. Donc, ça ferait que personne l'aura. Donc, là, vous utilisez cette machine-là. C'est bien. Alors, Alex, je sais pas comment vous avez fait, mais votre. J'aurais dû vous donner un rideau de douche en vrai. Ça ferait pareil. Bah, monsieur, ça dépend parce que le rideau de douche est quand même moins joli. Il y a des poissons là, sur le mien. Normalement, c'est censé être une couleur unie. Là, pourquoi des fleurs Bah parce que je me suis dit, c'est la fête. Donc la fête, c'est les fleurs. Et voilà, c'est la couleur, c'est la beauté. C'est original, c'est original. Merci. Votre tunique avance plutôt bien, je trouve. Ça... Oui, oui. Vous avez réglé votre, votre oui, problème oui. de taille. Oui, c'est bon. Légèrement. Vous avez mis une ceinture élastique. Absolument. Il y avait une question, là. Non. Mais tout le monde écrit. Je crois que tu utilises une machine. Ah oui, non, mais c'est parce que je sais pas que j'écris pas. Ah, c'est pas grand chose celle-là, hein, je crois. Pas en couture. Ah là, ça y est, j'en ai. C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, c'était facile. Alors, vous en êtes où au niveau de vos coutures, mesdemoiselles, avec vos robes ? Qu'est-ce que ça donne ? C'est quoi cette couleur rose-orange là que vous avez ? Bah, en fait, je voulais du rouge, mais j'ai pas trouvé. Ah, ça porte un nom de poisson, je crois. Saumon ? Alors, oui. Le rose de saumon ? Oui, oui, c'est ça, c'est saumon. Vous avez choisi une rose saumon, ça met bien votre temps en valeur. Merci. Je pourrais avoir un point ? Non. Est-ce que c'est parce qu'elle a une gueule de... De thon ? De thon. Ah, on l'a fait souvent, cette blague. On parle de saumon, pas de thon, bande d'imbéciles. Ouais. Après, on dit que c'est moi la débile, quoi. Ah, ça peut être morue aussi. Ça même pas faire. Bon, peu importe. Monsieur, ça se fait pas, là. J'ai rien dit. C'est pas moi, c'est Adèle. Hey Adèle Votre robe, du coup, vous êtes sûre de la faire plus courte ? Ouais, on voit sa culotte. Bah j'en ai pas. Déjà on a vu ses seins. Ah oui. Ça je veux pas le savoir, c'est pas dans mon cours. Vous voulez voir la photo monsieur ? Non, je viens de dire non. Ah bah s'il te plaît, vas-y Mineur. Partage. Et vous a tutoyé hein. C'est pas grave. Qui fait ce qu'il veut avec son rideau de douche. Bon, Anna, vous avez fini votre robe ? Oui. Allez l'essayer. Ça te va trop pas. Mais quelle violence! Mais si, c'est pas mal, il y a juste quelques réajustements à faire au niveau de. De son corps peut-être, c'est plus. De tout, c'est méchant! Pourquoi il y a le morceau qui traîne par terre là? Allez, on recolle ça! Oh! Mélanie, c'est ça, hein? Ou Brigitte, je sais non, plus. C'est Brigitte, ça Brigitte. Ou les deux, si tu veux. Cette petite dentelle sur la tunique. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. Bon, gardez-la alors. C'est joli. Ouais, ça fait 15e siècle, mais bon, c'est pas grave. Merci. On dirait celle de ma grand-mère. À part Anna, c'est vous moi. Avez tous vos tenues. Eh ben, c'est bien. Bon. Eh ben, vous allez pouvoir partir. Ah, super. Bonne chance hein, pour Pécho, hein, parce que là. On n'a pas dit ce qu'on avait marqué, hein. Oui. C'est pas grave. Ah bon Je vais récupérer vos copies et je corrigerai, vous l'aurez au prochain contrôle. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Au revoir, les enfants. Au revoir, les amis. Non, les enfants, j'ai. D'accord. Entrez. Moi, j'ai tout effacé. Oui. Bah, entrez, je vous en prie. Monsieur Carlos, encore vous. Bah oui, mais vous m'aimez bien, on est d'accord. Encore vous. Bon. Encore nous. Bon, votre professeur de couture m'a dit que vous étiez absent dans son cours. Ouais, mais en même temps, je savais ce qu'ils allaient faire. Hein. C'est ça votre explication ? Non, non, j'étais malade. Vous étiez malade ? Qu'avez-vous comme maladie ? Est-ce que je peux le savoir ? Alors, vous allez pas me croire. Non, certainement pas, ouais. Effectivement. Bah, vous me croyez jamais, de toute façon. Alors pourtant, je suis presque comme votre fils. Pas du tout. Alors là, je ne mérite pas ça. Avouez que vous m'aimiez beaucoup. Sinon, vous ne me ferez pas venir autant de fois dans votre cours. Expliquez-moi pourquoi vous étiez absent. J'ai une maladie héréditaire assez rare. Je devrais être votre père. Bah oui, mais peut-être donc que vous l'avez. Donc je savoir. Bah oui. J'ai une maladie très rare. En fait, à chaque fois que je touche du métal, ma peau devient bleue. Vous êtes un schtroumpf. Vous avez caché. Non, mais c'est vrai, monsieur. Ma peau devient bleue. Et après, j'ai plus de force dans le membre qui devient bleu. Du coup, il est tout mou et je peux plus rien faire avec. Du coup, c'est très embêtant. Problème d'érection. Pardon. Monsieur, voyons. Non, mais vous me dites, j'ai un muscle. Vous faites des avances à un élève. Il est bleu, il est tout mou. Moi, je dis problème d'érection. Après, vous me faites ce que vous voulez. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'exagération, là ? Monsieur, vous avez fait des avances à un élève. Non, je n'ai pas fait d'avance à un élève. Je vous parle simplement de problèmes que vous pouvez avoir. Vous savez, monsieur, on va faire un deal. Ouais. Je ne vais pas aller voir l'infirmière pour dire ce que vous m'avez dit. Et vous allez faire comme si j'étais venu en cours. Moi, je vais faire rien du tout. Je vais lire la règle 203 bis-3 de l'article 42 du code collégien. Et moi, je vais sortir mon téléphone avec le dictaphone allumé parce que C'est trop tard. J'ai déjà tout enregistré. Chaque élève divulguant des propos exagérés, c'est donc vous, sera sanctionné par une ou plusieurs heures de colle. Vous devriez être donc de retenue. Cela dit, le faux plafond de la salle 206 étant écroulé à la suite d'une invasion de rats qui a eu lieu pendant les congés de fin d'année, vous serez donc de corvée de sa remise en place. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que le deal est bon ? Bah non, le deal est pas bon, monsieur. Je vais dire que vous avez fait des avances. Eh bien, vous tenez votre réputation. C'est pas que vous allez avancer si vous continuez, c'est que vous allez reculer l'année prochaine si vous ne voulez pas aller en quatrième. Vous dégagez de mon bureau. Merci. Bon bah je pars. Merci. Il m'a touché les fesses ! Aux enfers, aux flammes, aux drames, sacrifier son genre au feu. Sur la croix, danse l'ombre des femmes, achevées par leurs aïeux. Diabolique et tentatrice, leur charme est un appel au vice, aux armes. Oh wow, excitante provocatrice, la fièvre qu'elle suscite tourne mal. Oh oh, le gris dans les yeux, droit devant les cendres, que reste-t-il des deux? Oh. Cette femme au fond des hommes, cette femme qui rayonne, c'est qui mène à nous ouvrir les yeux. Oh, oh, oh. Cette femme au cœur des hommes, cette flamme qui frissonne, se consume pour exister un peu. Prends ton essor. Encore. Les femmes d'abord. Encore. Viens, prends ton essor. Encore. Les femmes d'abord. Encore. Nous avons brûlé la femme. Avec cette même flamme, ce feu qu'elle allume en nos cœurs. Ça fume à l'intérieur. Pourtant, ce qu'elle porte forme et donne à la vie et aux hommes. Aucun rêve ne s'est emporté la couleur, la ferveur, la chaleur. Le poids que l'on pose sur leurs âmes pèse sur l'humanité tout entière. Abusent de leur pouvoir, n'a plus sa place pour prôner cette guerre. Oh, oh, oh. Cette femme au fond des hommes, cette femme qui rayonne, c'est plus bonne à nous ouvrir les yeux. Oh, oh, oh. Cette femme au cœur des hommes, flamme qui frissonne se consume pour exister un peu. Ah ah oh, oh. Viens, prends ton essor. C'est sur Indestar jusqu'à 21h. Comment on fait trop d'heures sup ce soir? Amusez! Ouais, on risque d'en faire des heures sup. 20h56, ça m'étonnerait qu'on soit à l'heure à 21h. Non, non. Désolé, maman, tu seras pas à 21h avec un au lit. Ah, à 21h au lit, ça va être compliqué. Même si on avait terminé à 21h, à moins que tu dormes à la radio. Mais attention, ça va coûter cher en loyer. Il nous reste pas genre 3 cours encore? Non, il reste pas 3 cours. Il reste quoi là? Il nous reste mais un cours, il reste le cours de physique chimie. Ouais. Mais avant, je crois qu'on a on a un bulletin c'est qui nous a été envoyé par le collège ITIM. Légitime, puisque c'est le collège dans lequel on est ce soir. Bulletin de professeur, parce que tout à l'heure on aura le conseil de classe, mais il faut bien qu'on sache un petit peu quelles notes ont obtenu nos élèves dans les différentes matières. Roberto, non, ouais, c'est je l'ouvre. Teddy, pardon, Roberto, il n'est pas là encore. Il va revenir, on l'a assez souvent. Ouais, Teddy, du coup, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce courrier? C'est qui? C'est le professeur de couture, non? Oui, c'est le professeur de couture, effectivement, qui comment dire, nous donnait les bonnes réponses parce que. Il a eu des plaintes comme quoi ouais. On fait le CCF, enfin ah, vous avez fait le CCF et bah, vous n'avez pas eu les réponses. C'est ballot. Non, c'est vrai que ouais, les élèves n'ont pas eu leur réponse parce que c'était un devoir à la maison. Donc, c'est ça. Il fallait que ça soit corrigé. Donc apparemment, il avait une question sur. Merde, j'ai perdu mon truc. Les règles avec les jupes et les robes longues. Ouais. Donc il y a des règles d'étiquette, hein, faut prendre ça comme on veut. Si tu portes un truc long en bas. En haut, tu dois dégager un peu, en théorie. Et vice versa. Donc, si en haut, tu mets pas de décolleté, si tu mets un col bien serré. C'est quoi ce. Je sais pas, on est dans une gare là. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais. Et si en haut, tu fermes tout et tu caches tout, en bas, tu peux mettre un peu plus court. Ouais. Voilà. C'est une règle. Voilà. En deuxième, il y avait le dé à coudre, effectivement. Bah, oui, le dé à coudre, oui. Que l'outil tu mets, très utilisé. Ouais. Pour pas se piquer, pour pouvoir appuyer sur l'aiguille. Mais bon. La troisième, c'était pas le costume avec la queue d'animal. La queue de pie, hein, pas la queue de corbeau ou la queue de. Ah, il y en a qui ont eu des idées. Hein, de corbeau, ouais. Moi, je dis pour l'imagination, on devrait avoir un point. Non, ouais, c'est parce que tu peux imaginer tellement de choses. Hein. La queue de chihuahua, si tu veux. C'est pas Adèle qui voulait mettre avec un oiseau. Et c'est pas Adèle qui on m'a sorti un castor. Oh, c'est Adèle qui voulait mettre la queue de castor pour un oiseau. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait aussi la matière de la tunique de Mélanie, hein, en soie. Robe chère en et noble. La soie. Avec la route de la soie, oui. Évidemment. Oui. Brigitte. Nous avions le point bonus, personne l'a eu. Nous avons eu. Oh, bah j'ai oublié cette droite et large. Oui, les coupes de pantalon. Skinny droit. Donc il y avait droit régular, c'est la même chose, hein, c'est juste qu'en règle générale c'est anglais donc on dit régular. C'est en anglais, ouais. Slim, ouais. Straight. Straight, ouais. Ouais, c'est en anglais aussi. C'est tous en anglais. Ah oui. Skinny, ouais. Bootcut. Bootcut, c'est quoi bootcut? C'est un peu le pas de def. Ah ok, ouais. Bah on a dit pas d'éléphant. Bootcut. En fait c'est serré uniquement aux genoux. C'est élargi aux cuisses et aux. Bah, ah ouais. Donc un pas de. Oui, def. Parce que. Il y a pas de parce que c'est comme ça. Non mais monsieur Accoudre a dit tout à l'heure que pas de def c'était pas une coupe. Non. Parce que déjà, pas de def, c'est pas anglais. Mais, va dire pas de def. Pas de def. Ouais, non, en anglais. Pas de def. Paddle. Eh ben, patte, comment on dit patte ouais, bonne leg, chance, hein. Leg. Elephant non. Boot. Non, ça c'est les jambes. C'est les gens pour le... peu importe. Oui, il y a une question qu'il a oubliée apparemment. Oui. C'est la toge romaine, elle était en quelle matière? La quoi? La toge romaine. Oui, la toge. En vous acier connaissez ce que... Mais non, trop pas. En soie. Non. Non. En velours, en mousseline. En mousseline, ça c'est la purée. En coton. Non. En maille. Non. Non, c'était un tissu, c'était c'était du lin. Velours, du lin. Ah, du lin, c'est pas mal du lin. Pas de lin, ouais. Ben non. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Oui, c'est la laine. Ah, c'est en laine. Ah, putain, mais tout simplement, je crois qu'on cherche trop compliqué. Bah ouais, c'est clairement. Okay. Bon, bon bah heureusement que j'ai pas fait cette question. Non, non, j'aurais eu des trucs. La maille, le fait. Voilà. Enfin, quoi que la maille encore. Mais, bref. Et il y avait aussi les accessoires sur les machines. Je vous en ai demandé deux. Ah, les machines. Bah, la surjeteuse. Alex a mis la surjeteuse. Et puis il avait mis la brodeuse aussi. Mais... Ouais. Bah voilà, la machine à coudre, tout simplement. C'est une machine en soi. Machine à tisser. Machine à tisser. Moi, j'ai mis le tricoter. Machine à aiguiller. Non. Non, ça c'est la SNCF ça. Non, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le gars qui faisait de la couture et qui a inventé les machines pour faire de la couture, il s'est vraiment pas fait chier. Bah, il a machine à quoi, tu vois ? Machine à tricoter, machine à coudre, machine. C'est comme si le mec avait inventé l'automobile et avait dit machine à rouler, quoi. Ouais. c'est clairement ça. Ouais. Non, pourquoi pas ? En même temps, ça marche. Ah, les Italiens, ils ont mis macchina. Oh, macchina. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mieux. Donc voilà, ça c'était les réponses du cours de couture. D'accord. Donc ça vaudra pour le conseil de. Moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que je me lancerai pas dans la couture. Hein. Bah, tu peux. Hein. Point de croix, c'est facile. Ouais, non, mais ouais, j'en ai fait, mais non. Bah voilà. Point de croix, tu y mets des ronds. Faisait du point rond. Non mais c'est pas grave, au pire si tu te lances pas dans la couture, oui, va en physique chimie au moins, c'est peut-être plus sympa. Ah, en physique chimie, ouais. Ah, j'étais pas doux en physique chimie. J'étais trop fort. Est-ce que Alex y sera? Il y avait le feu apparemment. J'ai cru qu'elle allait jamais se retentir la sonnerie. Hein. Ah bah ça se retentit. Mais tu sais qu'il faut attendre que la récré soit passée hein, pour mettre le. J'ai entendu ça tintinabulé. Ouais, comme les petits garçons. Bonjour, entrez, asseyez-vous dans le calme, s'il vous plaît. Je me présente, je suis votre professeur. Madame Chimine, Madame Newton. Non, Rachel. Newton. Merci, Alex. Donc aujourd'hui, ça va être simple, hein, ce sera juste un QCM. Un QCM. Je vous dirai quand il s'agira de réponses bonus, parce que dans ce cas-là, pas de proposition de réponse. Et donc celui qui a la réponse lèvera la main directement. Attention, sur certaines questions, il peut y avoir une ou plusieurs réponses. De juste. De juste. Ah oui, parce mais que... si vous mettez qu'une bonne réponse sur les deux, ce sera zéro. Ah ouais, zéro faut mettre tout bien. Et pour rien. Et oui. Première question. Ah oui. Avec quoi mesure-t-on une pression nommée P? Pression, s'écrit P en physique chimie, hein, voilà. Est-ce qu'on le mesure avec un manomètre? Est-ce qu'on le mesure avec un baromètre? Ou est-ce qu'on le mesure avec tout simplement un pressiomètre? Faut fermer les stylos pour que ça écrive. J'attends votre réponse. Hein, C'était quoi le premier? Manomètre. Ok. Pressiomètre. D'accord. Moi, j'ai mis Alex, vous avez mis quoi? Le A. D'accord. Pressiomètre pour Brigitte et manomètre pour Roberto. Aucun de vous n'a la bonne réponse parce que c'est et un manomètre et un baromètre. Quoi? Le pressiomètre. Mais vous dites pas qu'il y a plusieurs réponses. Eh ben non, ben, il fallait m'écouter au début du cours. J'ai dit il peut y avoir une ou plusieurs réponses. Bah oui, mais ce ne sera pas. Non, réponses, techniquement, je suis pas d'accord avec toi, mais on en discutera après si tu veux. Tu la tutoies, Roberto? Ah oui, pardon. ça mesure s'il pas la même chose. Roberto, mais bon, je vous donnerai mon cours. Oui. Deuxième question, la fréquence F. Quelle est son unité? Oh, est-ce que c'est le hertz? Est-ce que c'est le volt? Est-ce que c'est l'ampère? Est-ce que c'est l'hertz? Est-ce que c'est le volt? Ou est-ce que c'est l'ampère? J'attends votre réponse. Alors, ampère pour Adèle, Anna. Moi j'ai mis le hertz. Moi aussi j'ai mis le hertz. Et bah ampère, non, c'est en hertz. Et bah exactement. Bah pourquoi t'as mis le C alors, Roberto? C'était la c'est A. C'est pas le R ce que tu demandes. C'était le A. C'était le A. Le hertz, le A. Eh ouais. Attends, c'était quoi la question? Elle a dit le hertz. Quelle est son A unité à la fréquence? Ouais. C'est le hertz, mais c'était le A, pas le C. J'ai rien écrit. Donc bonne réponse pour Brigitte et Alex. Troisième question. La tension électrique U. Comment est-ce qu'on la mesure ou on la calcule? Est-ce avec un baromètre? Est-ce avec un oscilloscope? Ou est-ce avec un voltmètre? Oh, Adèle, s'il vous plaît. Ça existe un oscilloscope? Ta mère, elle écrit pas? Oui, un oscilloscope, oui, ça existe. Ça existe. Roberto, t'as pas un oscillo pour moi? Non, il a pas un oscillo. Voltmètre, du coup. Non, voltmètre, ça n'existe pas. Voltmètre ? Il y en a un qui n'existe pas. Du coup, pour Roberto, c'est un voltmètre. Bon, allez. Un baromètre pour Anna. Vous. Moi, j'ai mis le B. Ah, merci. Ah, aussi okay. Baromètre. Et volt. Donc déjà, Brigitte, vous avez mauvais. Vous avez mis quoi ? Un baromètre, c'est pas bon pour Anna. Oh. Alex ? Moi, j'avais mis le B. Un oscilloscope. Eh ben, c'est pas ça. Voltmètre, Jimmy. C'est ça. Bah oui. Et Adèle, vous avez mis l'oscilloscope. Il n'a rien mis ça. Du tout. Donc, la tension électrique, c'est un voltmètre. D'accord. Il y a que moi qui... Mais question bonus, quelle est l'unité de la tension électrique ? Oh, le U. Non, mais non. Je vous demande l'unité. Le watt. Ah, le watt. Non, ah, volt. Le volt. Ouais. Volt. Bah, c'est facile. Bah, c'était question bonus, les enfants. Ça me semblait trop j'aime pas trop ces questions bonus. Toi pour Brigitte. Ouais, j'ai... Alors, question sur l'ardoise. Hein. On sait que la résistance électrique non, R pas. Se mesure avec un ohmètre. Mais on comment... appelle ça un erromètre. Un ohmètre. Mais comment s'écrit ce mot ? Ohmètre ? Retenez bien ce que je vous propose. Il y a quatre propositions de réponse. Oh là là. Soit le A, ça s'écrit A-U-M-E-T-R-E. Mais c'est pas un A. Je vous demande comment ça s'écrit. Je attendais les propositions. Elle a pas dit que c'était la bonne excusez-moi, réponse, hein. Madame. Proposition B. Est-ce que c'est ohmètre O-H-M-M-E-T-R-E ? Deux M, c'est ça, madame ? Exactement. D'accord, madame. Soit le C O-M-M-E-T-R-E. O-M-M-M-M-M. Ou soit le D ohmètre O-H-M-E-T-R-E. Ah, moi je croyais qu'on disait oh, grand maître. O-H ? J'en sais rien. Est-ce que vous voulez que je vous l'écrive sur une ardoise ? Non, c'est bon. Bon. D'accord. C'est quoi la D ? La D, c'est O-H-M-E-T-R-E. Donc, soit c'est la A, la B, la C ou la D. Ah, bah moi j'ai mis 4, donc tu te démerdes. Tenez, madame, je vous ai donné la bonne réponse et en plus je vous ai fait le symbole. Vous avez mis le 4 ? Ouais. C'est pas ça. Non, c'est la 2. Oui. J'ai écrit 2, hein. Ah, moi j'ai écrit la 2. 2, B. Donc c'est bon pour Alex, c'est bon pour Anna. Ah, Brigitte. Non. Brigitte, je vois le C. Je vois le C. Elle a voulu donc c'était O-H-M-M-E-T-R-E. Ah oui. C'est pas plus de l'orthographe, Nam, que de la physique, Sam, Nam. Mais ouais, vous savez clair. Que quand vous avez le bac, si le mot n'est pas bien orthographié, on peut vous refuser le point. Eh oui. C'est... Ils nous le demanderont pas, de toute vous façon. Plaît. C'est quand tu fais un bac physique ouais. Français. Un bac S. Cinquième question. SL. Le pH n'a pas d'unité. Ah bon ? Mais avec quoi on le mesure ? Notez, il n'y a pas de proposition et marquez-le sur l'ardoise. C'est rien, moi. Si, une échelle. Ah si, pardon, il y a une proposition. Ah. Alors, est-ce que c'est la A, on la mesure avec un pH mètre ? Est-ce que c'est la B, on la mesure avec un papier pH ? Ou est-ce que c'est la C, on ne peut pas la mesurer, on le sait comme ça, avec une machine ? Ah, mais c'est comme pour les aquariums, quand il faut faire les pH de l'eau. C'est un peu ça. Allez, je vous aide cette fois-ci. C'est un B ? Mais c'est rapide, hein. C'est le B, c'est le papier pH. Il y a les deux, t'as un pH mètre, le papier. Exactement. Hein. Roberto a raison, c'est le A et le B. On avait mis aussi. Hein. Non, j'ai vu Brigitte et Alex. Point refusé. Bah oui, mais si on nous dit pas qu'il y a deux réponses. Mais je vous l'ai dit que c'était pas précisé. Ah ouais, mais faut le dire qu'il y a deux réponses. Quand on s'y connaît pas, on sait pas qu'il y a deux réponses. Par contre, il y a quand même des unités, madame. Hein. Non, le pH n'a pas d'unité. Ça va de 0 à 14. Oui. Bah c'est des unités du coup. Il y a neutre, acide et je sais plus quoi. Basique. Ouais, et ça s'appelle pH. C'est le pH, mais le pH en soi n'a pas d'unité. C'est Pierre-Henri. S'il y a 5 pH, c'est acide. Et s'il y a 10 pH, c'est amer. Non, alors, c'est basique. Le pH... Non mais... excusez-moi. 14 pH. Le pH se trouve sur une c'est échelle de 1 à 14. Oui. Où se situe le pH neutre, écrivez sur l'ardoise. LOL. C'est des maths, ça, non? Je sais pas, genre... Ouais, mais il me faut un chiffre, c'est entre 0, entre 1 et 14, il me faut un chiffre. Bah, la moitié. D'accord, vous avez tous le point. Bah, c'est pas dur. Et comment appelle-t-on le pH qui se trouve avant le 7 ? Acide. pH acide. Et exactement. pH basique au-dessus. Exactement. Mais je l'ai dit tout à l'heure. On l'a dit. Mais je ne vous avais pas posé la question. Simple, basique. Simple, basique. Acide et basique. Basique. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Dernière question. Quelle est l'unité de la vitesse ? Il y a plusieurs propositions ? Non, je vous demande d'écrire sur l'ardoise, il n'y a pas de proposition. Il y a deux réponses, mais je vous en accepte une. Ouais. Quelle est l'unité de la vitesse? Kilomètre par heure. Alex? Mètre par seconde. Oui, j'ai mis pareil, kilomètre heure. Kilomètre par heure. Et pour Brigitte? Moi aussi, j'ai mis ça. Et bah, vous avez tous le point. Ouais. Et on peut également le mettre par seconde. Mètre par seconde. Oui. Exactement. On peut même mettre au-dessus. Tu me tais. Moi, mon papa, quand il est sur l'autoroute, il avance à 200. C'est bien. Non, c'est pas bien. Du coup, madame, j'ai eu un point bonus pour le mètre par seconde. C'est pas vraiment bien. Comment? J'ai un point bonus pour mètre par seconde. Trop pas, dis qu'une seule. Ouais. Bah non. Ah, je vous laisse aller à vos occupations. Ah, c'est la récré. Hé, hey, Roberto. Ouais. Tu sais, quand le prof, il nous a dit, là, il nous a parlé des trucs skinny, un peu droit, machin. Ouais, le pantalon, ouais, les coupes. Eh ben, skinny, c'est moi qui ai trouvé la réponse. Mais ça te disait pas quelque chose? Une petite musique en mode skinny? Si, skinny, skinny love, non? Oui, c'est ça. Oui, puis, oh, ça remonte à loin. Mais vas-y, nous, on préfère le remix. T'as un remix? Ah, oh, bah, vas-y, on écoute. Eh ben, c'est parti. Come on, skinny love, just lost it. Pour a little soul, you're never here. My, staring at the sink of your crush. Ce soir, faut trop que je vous raconte. L'autre soir, Cindy, elle nous dit « Eh, vous savez, c'est quoi le meilleur prof ?» Bah, c'est le prof absent. De toute façon, on y passe tous quand c'est conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est le bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Bagarre de mousse à raser pour la fête de fin d'année. De toute façon, on y passe tous quand c'est conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est le bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Bagarre de mousse à raser pour la fête de fin d'année. Amanda du 38. Parfait. On l'entend souvent, elle. Hein. Là, parce qu'on adore Amanda du 38. Bah, chante quoi, je me dis rien. Y a que toi qui elle l'adore. Chante École du Sénégal et Conseil de classe. Et ça tombe bien parce qu'on arrive au moment fatidique de cette émission. Le Conseil de classe. À savoir le Conseil de classe. Qui va se faire pourrir ? Qui va se faire pourrir ? Qui aura également le diplôme que j'ai en main ? Non, je le sens pas. Moi, je le sens. Et on a perfectionné niveau diplôme là. Il est beau hein, le diplôme. Ouais. Il y a même une tête d'une fille qui a l'air contente d'obtenir un diplôme. Est-ce qu'on leur demande après de nous le ramener ? Économie de papier. Oh bah pourquoi pas. On faut recycler. Au prochain trimestre, ça sera pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, rendez-vous, comme d'habitude, comme durant cette émission, dans le Collège ITIM, avec, cette fois-ci, tous les profs qui sont réunis, le délégué également qui est là. Il y aura forcément les élèves de la classe qui sont pas très loin, parce qu'il va falloir décerner le meilleur diplôme au meilleur élève. Par contre, le pire élève risque de se prendre quelques remontrances. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les professeurs. Nous allons maintenant commencer le conseil de classe, particulièrement difficile d'ailleurs, la classe, celle des 3P, avec Adélogé, Roberto Carlos, Alexandrie, Rachel la voisine, Brigitte et Anaconda. Monsieur Carlos, qui est désigné délégué de classe, ici présent, va pouvoir dans un instant énoncer les moyennes de chacun en commençant par la meilleure. Mais avant, j'aimerais souhaiter les meilleurs vœux à nos professeurs ici présents pour cette année 2023. Vous de même, monsieur Boulard. Merci beaucoup, que cela vous apporte de la joie et surtout du travail, afin que nos élèves, maintenant en troisième, aient tous le brevet. Et je vous demanderai, si vous identifiez des élèves qui n'ont pas le niveau, de me le dire avant la fin du troisième trimestre, afin que l'on puisse les exclure et ainsi obtenir une note maximum au brevet pour faire passer le collège ITIM en première position départementale. Est-ce que vous me suivez tous ? Yes, oui. Très bien. Bon, quelqu'un a quelque chose à rajouter dans ce conseil avant de commencer ? Non, on aimerait bien savoir qui est le héros de la classe. Bien sûr, nous allons aborder ces points. Est-ce que, comment vous avez senti cette classe au cours du second trimestre ? Classe plutôt... Ah, je sais pas, j'avais le nez bouché. Merci pour votre humour, mademoiselle. Mais enfin, tout de même, nous sommes là quand même dans cette année 2023 pour un petit peu de sérieux. Est-ce qu'ils sont plutôt difficiles, ces élèves ? Plutôt sympatoches. Plutôt sympathiques, certains d'accord. Certains élèves manquent un peu de retenue comportementale. D'accord, eh bien, nous allons leur donner des heures de colle s'ils manquent de retenue. C'est mon humour. Bref. On a le même, hein. Alors, est-ce que nous pouvons faire rentrer monsieur Roberto dans ce conseil de classe ? Oui. J'ai l'impression qu'il est encore aux toilettes, monsieur Roberto. Oui, apparemment. Mais je crois qu'il a eu une des chiasme. Des soucis, hein, c'est intestinaux. Ça, c'est le pigeon qui n'est pas passé. D'ailleurs, je vais faire tout de suite une remontrance à notre professeur de français. Parce qu'il paraît qu'on ne dit pas chiasme, mais chiasme. Donc, monsieur, vous permettrez, s'il vous plaît, de vous faire cette petite remarque, étant donné que vous êtes censé apprendre la matière, je ne veux pas dire la plus importante, mais disons qu'on est en droit d'attendre d'un professeur de français qu'il sache parler français, n'est-ce pas ? Oui, bah, j'essaierai effectivement la prochaine fois de faire en sorte que ça se passe bien. Désolé, monsieur le proviseur. Je crois que Roberto est dans la merde, là. Non, c'est bon. Alors, Roberto, vous pouvez entrer. Allô ? Oui. Ah non, c'est pas ça qu'on dit, c'est vrai. Entrez, pardon. Asseyez-vous, monsieur Roberto. Oui, excusez-moi, j'étais en retard, j'avais un chiasme. On s'en fout. C'est ce que m'a dit le prof de français, il m'a dit aux toilettes, on a le chiasme. D'accord, très bien. Alors, monsieur Roberto, j'ai les bulletins. Vous avez les moyennes de toute la classe. Est-ce que vous pouvez commencer par le meilleur, la meilleure moyenne générale de ce second trimestre ? Avec plaisir. Vous n'allez pas me dire que c'est vous, quand même. Et si, monsieur. Et si, mais si, vous m'adorez, je sais. Ça me désole. Ça me débecte. Ça me débecte. 18, 18-1 de moyenne. Oui, monsieur, vous avez vu, je me suis amélioré. Hein. J'espère que vous n'avez pas changé les scores. Hein. 18-1 de moyenne, je pense qu'on peut non seulement vous féliciter. Merci, merci. Hein. C'est bien regrettable, mais on va vous féliciter. Et on va également vous remettre le diplôme du meilleur trimestre du Collège ITIM de l'éducation presque nationale. Attention toutefois, il est stipulé sur ce diplôme. Ce présent diplôme n'est qu'une photographie instantanée d'évaluation de l'élève. Il ne garantit pas sa réussite professionnelle. L'élève en question n'est pas à l'abri de finir RMiste. Très bien, je vous donne ce diplôme. C'est quoi un RMiste ? Un RMiste. Ah d'accord. Oui. Bon, je vais finir... ça, mais bon, bref, c'est pareil. Quel est le pire ? Alors non, nous allons aller simplement le second de la classe. Le second, il a 14-6 et c'est Alex. Oh, d'accord. Ça descend vite. Alors 14-6, c'est moins bon. Effectivement, je pense que nous pouvons tout de même donner des encouragements, Alex, si vous êtes d'accord. Ouais. Oui. D'accord. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. D'accord, très bien. Il est chiant des fois quand même, mais bon. Non, on vous a rien demandé, monsieur Roberto. C'est monsieur Accoudre. Restez. Ah, monsieur Accoudre, pardon. Autant, vous avez... Non, vous pouvez me confondre avec ce minable. Vous avez presque la même voix, désolé. Il vient même pas dans mon cours. D'accord, ok. qu'avons-nous ensuite? Le troisième. Après, il y a Rachel, elle a 14 quand même, hein, c'est pas mal. Rachel, la voisine qui n'est pas loin. C'est pas Est-ce moi. Qu'on peut donner également les encouragements? Son envol. Les encouragements à Rachel. C'est pas moi, c'est elle. Ouais, il est Rachel. Moi, j'aimerais bien qu'elle prenne son envol. Bah, j'ai essayé sur un pigeon, ça a pas fonctionné. La quatrième? Oui. C'est. Brigitte. Ouais. Brigitte, avec 13-8 hein, quand même. Wow. 13-8 de moyenne, ça ne mérite peut-être pas les encouragements, mais enfin bon, on peut dire que. C'est quand même une moyenne acceptable. C'est moi qui vais perdre. Non, c'est moi, c'est sûr. Après, monsieur, il y a 11-8 et 11-2. Ah. Ça dégringole. Hein. Et quoi qu'il arrive, ils sont quand même au-dessus de la moyenne. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même si borderline. La note est la plus basse. C'est borderline. Ouais. On n'a jamais eu, tout de même, c'est quand même à souligner, nous n'avons jamais eu une classe avec des moyennes aussi élevées. Alors la faute à qui ? C'est vrai. La faute au professeur ou grâce aux élèves, on ne sait pas. Mais enfin, bref. C'est sans doute grâce aux élèves, monsieur. Ça, je ne vous permets pas. Je me suis grave évolué. Alors, qu'avons-nous en avant-dernière position? Adèle. Ah, Adèle. Ah, avec 11-8. 11-8 de moyenne, ah, donc je suppose. 11-2, c'est Anna, oui. Que la pire moyenne revient à Anna. Oui, vas-y. Oui, Est-ce qu'on peut faire rentrer toi, Anna, en fait, s'il vous plaît? Je crois qu'on n'aurait même pas dû l'appeler Anaconda, mais Anacon. Anna, bienvenue. Bonjour monsieur. Anna, vous êtes ici convoquée parce que vous avez la moins bonne moyenne, la pire moyenne de ce second trimestre. Vous atteignez, je dirais, les abysses de la nullité. D'accord. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Vous remettez en cause la question même de la natalité, de l'intérêt de l'espèce humaine sur cette terre. Heureusement que vos petits camarades remettent un petit peu fou en je l'homme. Je crois hein, qu'elle finalement. A perdu le deuxième mot de la phrase. Sachez, en tous les cas, mademoiselle Anna, que nous arrivons maintenant en milieu d'année, que nous sommes quelques mois seulement avant le brevet des collèges, qui sera le diplôme qui conditionnera votre vie, et que vous êtes en ce moment sur une sorte de pont non terminé qui va vous conduire directement dans les déchets de notre société. Donc, deux choses l'une, soit vous vous prenez en main ce qui reste de votre petite existence, soit vous serez renvoyé avant la fin de l'année pour, comme je le disais tout à l'heure, entre professeurs, ne pas plomber les résultats nationaux du brevet des collèges 2023 du collège ITIM. Ouais, moi je dis Jartella. Jartella, ça c'est votre le Jartella. Mot. Jartella. Jartella. Jartella. Jartella. Jartella. Un mot à rajouter parmi nos professeurs. Jartella. Comment vous dire, tous mes élèves ont réussi à finir leur tenue en temps et en heure. Et encore, bon, il y avait un peu des ratés, des petits trucs. Mais Anna, comment vous dire, j'ai déjà vu des serpillères mieux assorties, quoi. Franchement, c'est ni fait ni à refaire, c'est un tas de chiffons mélangés ensemble, même des iguales n'oseraient pas le faire. Donc on oublie le côté artistique pour mademoiselle Anna. Est-ce que le côté plus intellectuel, on va demander par exemple au professeur de français? Non, bah, c'est absolument catastrophique. Anna, on l'a vu en français, elle confond les oxymores avec les paraboles. Moi je dis. Et les personnifications. Et les personnifications, n'en parlons même pas. Je crois qu'elle les confond tous. Rien à moi rajouter notre professeur, où je crois qu'on a assez assassiné notre anaconda. En physique chimie, je dirais qu'elle a pris cher aussi. Elle a pris cher. Moi, je me demande d'ailleurs, quel est cet élève? Oui. Vous l'avez déjà vu? C'est ni de la physique, non, ni de la chimie. Madame. Mais n'a-t-elle pas pris cher dès la naissance, finalement? Est-ce que le monde n'a pas pris cher à partir du moment qu'elle est née? Le monde est descendu d'un cran, je dirais. Je crois que ceux qui sont le plus à plaindre sont ses parents. Exactement. Malheureusement, elle est orpheline. Distribuons des capotes. Hein, clin. Nous allons donc nous séparer sur ces bonnes notes. Mademoiselle Anna, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À travailler et à... Travailler. Merci bien. Bonsoir. Au revoir. Quel conseil ? Elle a pris cher. Jartella ! Jartella ! Jartella ! Je tiens à dire qu'elles ont mis beaucoup d'entrain à dire ça alors que c'est leur mère. Rien à voir, c'est Anna. Ouais, j'avoue. C'est bon. Bon, Anna qui ? Anaconda ! Le mois prochain, il y aura une nouvelle classe avec des nouveaux élèves, des nouveaux cours et surtout un nouveau niveau, puisque ça fait deux fois qu'on est en troisième, donc peut-être que la fois prochaine, nous irons voir une autre classe. En attendant, si vous avez loupé le début de cette émission, qu'est-ce qu'on fait à mort ? Tu peux aller sur podcast. On a changé d'amel. Amélie, tiens. Tu peux aller sur indestar.fr et aller dans la rubrique podcast. Il y a aussi, c'est disponible Deezer, sur toutes les plateformes de streaming, hein, peu importe. Indestar.fr, tout simplement. Exactement. D'ici le mois prochain, Spotify. Il y a beaucoup de choses sur Indestar, notamment demain. Demain, Peak Avenger. Toute la pop culture sera là à partir de 21h avec Daniel, avec Kevin, avec Thierry, avec tous ceux qu'ils veulent. Et plus si affinité. Vendredi, nous allons nous replonger dans nos meilleures expériences. Ta gueule. Avec l'émission à la maison. On sera là à partir de 21h également. Ouais. Donc, ça, c'est le programme de cette semaine. Intéressant. Ouais. Et puis, la semaine prochaine, plein de bonnes émissions. La rediff de la classe. Un Peak Avenger, une émission du vendredi avec Linda, on retrouve toute l'équipe. Ouais. Voilà, et puis entre-temps, bien sûr, de la bonne musique, celle d'Indestar. Toutes les découvertes, on l'a mis sur Facebook. En 2022, on découvre des musiques. En 2023, on découvre des musiques. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, mais toujours plein de découvertes. Des musiques et des animateurs, parce que peut-être que dans cette année 2023, il y aura des nouveaux animateurs. On a découvert Anna. Et Brigitte. Et oui, à savoir en réalité Anna, mais pas la même. Et non. Et Brigitte, et pas la même. Et Natacha. Ils y arriveront pas, maman, à ton prénom. Bah oui, surtout si on brouille, forcément, ça va pas le faire. Merci d'avoir été là, les filles. Sois pas un œuf. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était trop bien. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Non, bah toi, t'as pas le choix. Mais par contre, t'es très mauvaise. Hein. Ah ouais, c'est clair, putain. C'était gratuit. Putain, c'est vrai, on aurait dit Daniel. Mais pas du tout. Daniel, retrouvez les erreurs de Daniel demain. À partir de 21h, vous allez rigoler. Ça fait son charme. Avant ça, on a quoi ? On a Bedroom Singer, c'est le dernier single de Gifla. Vous rappelez de Gifla qui chante dans sa chambre, qui fait des covers. A giflé en 2022 déjà. On ne gifle pas Gifla. Elle non, est tellement. C'est elle qui gifle. Oui, certainement. On y a pensé un peu. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.